du match. En principe, eh bien, la pluie, eh bien, elle sera plutôt sur le centre de la Belgique et elle aura quitté les Hauts-de-France et notamment la région lilloise. Donc, chez nous, ce matin, ben, quelques averses, pas trop nombreuses, mais l'après-midi, elles vont commencer à se multiplier et puis sera plutôt une zone de pluie qui va donc arriver en fin d'après-midi, début de soirée, sur le centre du pays et puis plus tard sur l'est et le sud. Un ciel très nuageux, un vent qui devient modéré assez fort et des maxima de 17 à 20 degrés. Le week-end, en quelques mots, eh bien, demain, beaucoup moins d'averses, mais des températures qui ne décollent pas, 16 à 19 degrés. Dimanche, on a même un temps sec, mais toujours pas mieux au niveau des températures. On reste coincé entre 16 et 19 degrés. Viva, il est 9h. Le temps de l'info, Sébastien Pierre nous informe, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et la Belgique qui joue sa place en demi-finale de l'Euro ce soir. Face au Pays de Galles, et ce ne sera pas simple. La dernière victoire des Diables contre les Gallois remonte à septembre 2012. Ensuite, il y a eu deux partages et une défaite. Et ce soir, il va falloir faire sans Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen. C'est donc une défense remaniée avec Jordan Lukaku et sans doute Laurent Simon qui devra dompter la star Gareth Bale et ses équipiers. Mais du côté belge aussi, on attend évidemment du spectacle. Après la prestation 5 étoiles dimanche dernier d'Eden Hazard face à la Hongrie, le capitaine belge est prêt à rendosser une fois de plus son costume de gala. J'ai fait un bon match, le dernier match. Voilà, on a tous envie, j'ai envie de refaire le même, voire même plus. Mais sur le tournoi, j'estime avoir fait 4 bons matchs, avec bien évidemment celui contre la Hongrie qui était vraiment bien, mais voilà, je suis performant, je suis régulier. Donc voilà, c'est ce qu'on me demande et c'est ce que j'essaie de faire à tous les matchs. Interview de Thierry Luther. Ses particularités ce soir pour Eden Hazard, c'est qu'il joue à Lille, la ville qu'il a vu grandir. Sur place, on se souvient très bien de lui, de son talent, de son génie, au point, Bibrouzakis, que certains Français oublieraient même qu'Eden Hazard est belge. Dans le cœur des Lillois, c'est sûr, Eden Hazard n'est pas que belge. Certes, il est belge, mais il est surtout, surtout Lillois. Bah, c'est le LOSC qui l'a vraiment formé. Même s'il est belge et qu'il a joué à Lille, pour nous, on le voit comme un Français. Il a grandi, il a fait ses gammes ici, donc ouais, on considère comme un franco-belge. La raison de cet amour immodéré envers le capitaine des Diables Rouges est simple. François Launay suit Lille pour le quotidien français 20 minutes. Eden Hazard est sans doute le joueur qui a le plus marqué l'histoire du LOSC. Il fait partie du top 5 des plus grands joueurs de l'histoire du club. Hazard s'est effectivement formé à Lille lors de sa dernière saison. Il y a marqué 20 fois et délivré 15 passes décisives. Par deux fois, il y a été élu meilleur joueur du championnat de France. À Lille, pendant la période Hazard, accompagné par d'autres joueurs comme Gervinho et même Dimitri Payet, c'était un vrai régal. Cette affection des Français envers Hazard a aussi trop fait et qu'il a débarqué au centre de formation de Lille très jeune, à 14 ans. Il y a fait ses gammes et ce sont les formateurs français qui ont achevé de façonner son talent. François Launay. Quand il était ado, il a jamais douté de lui. Il est arrivé et je me rappelle qu'il avait dit au directeur de la formation lilloise qu'il serait un jour ballon d'or. Mais Hazard tel qu'on le connaît aujourd'hui ne serait pas lui-même sans un petit grain de folie. Il y a une histoire au début, je pense qu'il avait fait un petit pont à l'entraînement à un joueur cadre du LOSC. Le joueur en question l'avait recadré en lui mettant une petite claque. Il a aussi appris au contact, il ne pouvait pas non plus tout se permettre. Mais très vite, on l'a laissé un peu faire ce qu'il voulait puisqu'on ne pouvait pas se priver d'un tel joueur. Et si vous comptiez aller regarder les exploits d'Eden Hazard et des autres dans la tribune du Stade de Lille ce soir, eh bien oubliez, c'est archi complet. La police belge déconseille même aux supporters qui n'ont pas de ticket de se rendre à Lille puisque la fan zone risque d'être rapidement complète. Pour ceux qui veulent quand même aller sur place, voici les consignes de sécurité de Jean-Christophe Bouvier, le préfet délégué à la sécurité et à la défense, prévient, les contrôles sont renforcés. Ça veut dire que vous ne pourrez pas transporter de l'alcool dans votre véhicule, dans votre sac à dos si vous marchez sur la voie publique. Vous ne pourrez pas acheter de l'alcool sur les autoroutes puisque ce sera interdit d'en vendre sur les stations-service. Vous ne pourrez pas en transporter en train et vous ne pourrez pas en transporter en navire pour les Britanniques qui viendraient assister à ce match. Si vous voulez consommer de l'alcool de manière raisonnable, ce sera à Lille, dans les bars et autres restaurants, également dans la fan zone ou autour du stade. Mais vous ne pouvez pas transporter l'alcool. Une interview de Sébastien Joris. Et puis vers Lille ou vers ailleurs en France, les routes seront de toute façon chargées à cause des départs en vacances. Et oui, code orange sur les routes aujourd'hui et demain. Dans les aéroports, c'est l'affluence des grands jours. 47 000 passagers attendus aujourd'hui à Zaventem, 26 000 à Charleroi. Partez donc bien à temps. Et pendant que certains bouclent leurs valises, d'autres font leur sac à dos. C'est la période des camps de jeunesse. Hugues Van Pel est allé à la rencontre d'une équipe d'animateurs louveteaux de Louvain-la-Neuve en plein préparatif à quelques heures de l'arrivée des premiers enfants. C'est à Relot, près de Ciney, que la meute a trouvé son petit coin de paradis. Une grange un peu rustique pour dormir et manger, une grande prairie pour le foot, un bois, une rivière, tous les ingrédients sont réunis. Martin Akela. C'est un endroit assez connu parce que moi-même, donc maintenant je suis chef, et j'y suis venu en tant que louveteau. Et donc c'est un petit peu un endroit qui tourne, qui est assez réputé dans le monde du scoutisme. Et voilà, cette année on a eu la chance de pouvoir le réserver. Les louveteaux n'arriveront que dimanche, mais les chefs sont déjà sur place en pré-camp. Mathieu Wantola. Bon, le pré-camp, c'est un peu les fondations du camp, donc c'est là qu'on prépare tout et qu'on met tout en place pour offrir un camp qualitatif aux louveteaux. Et c'est aussi l'occasion de se retrouver en staff et de se remettre dans l'ambiance scout après un très long blocus. Finalisation des jeux et du matériel, construction en bois, repérage des commerces pour l'approvisionnement. C'est à cela notamment que sert le pré-camp. On prépare aussi les consignes de sécurité pour éviter tout accident, surtout près de la rivière. C'est l'endroit théoriquement le plus dangereux pour les louveteaux hein, qui peuvent tomber. En plus, il y a beaucoup plu, donc il y a beaucoup de courant. Donc là, on devrait vraiment être très vigilant. Vigilant aussi à l'escalier, quand les louveteaux descendent et montent, pour pas qu'ils tombent, surtout pendant la nuit. Et voilà, autrement, la route n'est pas accessible par les louveteaux. Donc voilà, niveau sécurité, là, on est au top. Cette année, le thème du camp, c'est la mythologie et la Grèce antique. L'endroit sera décoré, les déguisements sont prêts. Pour le reste, le staff fait confiance à l'imagination des louveteaux pour que ce voyage dans le temps soit une réussite. La chasse aux bonnes affaires est ouverte déjà jusqu'à moins 70% pour le coup d'envoi des soldes d'été. Les stocks à écouler sont énormes avec la météo maussade, les grèves à répétition et la menace terroriste. Eh bien, les commerçants n'ont pas vendu grand-chose et ils comptent sur cette période de soldes pour redonner quelques couleurs à leur chiffre d'affaires. Les psychomotriciens très remontés sur la ministre de la Justice. De la santé, même un Maggie de Bloc, oui, qui refuse de reconnaître la profession et le diplôme en psychomotricité. Les étudiants digèrent très mal la pilule et ils iront manifester aujourd'hui devant le cabinet de la ministre de la Santé. Mélanie Châtelain, elle, a obtenu son diplôme en psychomotricité l'an dernier et malgré tous les efforts déployés depuis, elle n'a toujours pas trouvé de travail. Dans le domaine de la psychomotricité, je n'ai encore pas trouvé de travail, seulement je travaille en attendant quand même pour bien payer les factures en tant que serveuse dans un casino. Donc ça fait 8 mois à peu près que j'y travaille. Le problème, c'est que comme la psychomotricité n'est pas revendiquée comme paramédicale, du coup, il n'y a pas d'aide financière de la part de l'État pour que les institutions puissent nous embaucher. Et donc, il n'y a pas d'obligation non plus de nous embaucher. Donc ça bouche un petit peu les postes. Il y a des personnes que je connais qui sont embauchées sous terme de personnel d'entretien, mais qui font de la psychomotricité. Donc évidemment, le salaire n'est pas le même. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à tout ça? Un petit peu d'avoir fait 3 ans dans l'espoir d'avoir un métier comme ça, de pouvoir exercer le métier qui nous passionne, mais qu'au final, ça nous est retiré cet espoir. Un témoignage recueilli par Guillaume Gilbert. On termine avec un mot de tennis. Le tournoi de Wimbledon continue pour David Goffin. Il joue son 3e tour cet après-midi face à l'Ouzbek Denis Istomin, 116e joueur mondial. RTBF Mobile Info, il y a un accident ce matin sur le ring de Bruxelles, Stéphane Piebeuf. Oui, en circulation intérieure à hauteur de Vilvoorde, la bande de gauche est neutralisée. Il y a des files en direction de Zaventem et les automobilistes perdent 39 minutes sur le tronçon intérieur. Grand Bigard, Zaventem. Ailleurs sur le ring, ça se passe bien, hein, à part entre Ittre et Grand Bigard pour la circulation intérieure. Une 20aine de minutes suite à ce chantier à Anderlecht. Pour rejoindre Bruxelles, ça se passe bien sur tous les axes. Léger ralentissement quand même sur le 400 qui vient de Namur entre Overijse et Léonard. Et puis évidemment, on s'attend à un trafic plus chargé dès l'heure de pointe de cet après-midi en raison du match des Diables Rouges. Nous veillons au grain avec toute l'équipe RTBF Mobile Info. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une en télé. Dernier C'est vous qui le dites de la saison avec Benjamin Maréchal. Oui, donc du coup, il est historique, donc du coup, autant l'enregistrer puisque c'est le dernier de la saison. Reviendrons-nous en septembre? Oui, une chose à la fois. Voici le débat de ce matin. matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Dernière de la saison, avant les pronostics pour le match de ce soir, voici trois débats sur la table, un seul à partir de 10h, pour aller plus loin. Au 070-233-466, un pharmacien de Le Saint-Pierre refuse de vendre la pilule du lendemain aux jeunes femmes qui se présentent. Est-ce que vous lui donnez ce droit parce que lui l'a pris ? Un pharmacien doit donc, d'après la déontologie de la profession, servir l'intérêt du patient sans, je cite, « aucune forme de discrimination ». Et pourtant, à Le Saint-Pierre, un pharmacien a décidé de ne pas aller à l'encontre de ses convictions personnelles. Le pharmacien Vanesse ne vend donc pas de pilules du lendemain parce que, dit-il, ouvrez les guillemets, « parce que ce sont des saloperies, elles tuent des bébés et je ne veux pas être le complice d'un meurtre », dit-il. Le pharmacien ne s'en cache donc pas, il assume, il revendique même. Si certaines professions ont une clause de conscience qui leur permet d'éviter un acte auquel ils sont opposés, dans le cas de l'euthanasie par exemple, eh bien les pharmaciens, eux, n'ont pas de clause de conscience. La clause de conscience qui serait, d'après le Centre d'Action Laïque, à utiliser avec parcimonie pour éviter les abus. C'est la question pour vous ce matin. Un pharmacien de Le Saint-Pierre refuse de vendre la pilule du lendemain aux jeunes femmes. Est-ce que vous lui donnez ce droit qu'il a pris ? Les deux questions avant le match historique des Diables Rouges. Qui va à Lille ce soir et qui peut nous faire le topo d'avant-match ? On a deux défenseurs absents et jusqu'à hier, il n'y avait pas de hasard blessé. Le match des Diables est donc historique parce que nous avons une chance de nous qualifier pour la demi-finale d'un tournoi pour la première fois depuis 1986. D'abord, battre le Pays de Galles. À l'enthousiasme, c'est sûr, puisque plus de 100 000 Belges sont attendus à Lille, au stade, dans la fan zone, logeant chez des amis ou des inconnus du Nord. Où allez-vous ce soir ? Et puis il y a le sport proprement dit, quelle tuile, la tuile de la défense. Vermaelen est suspendu, Vertonghen est blessé depuis hier et out pendant 4 mois. Il nous reste comme seul habitué Alderweireld. Il faudra faire monter au jeu le jeune Jordan Lukaku, mais Wilmots prévient déjà qu'il faudra calmer ses ardeurs. En face, un certain Gareth Bale du Real Madrid. Nous avons une défense inédite, nous avons un Eden Hazard qui joue chez lui, mais qui hier encore était blessé. Alors les deux questions pour vous, avant le match historique des Diables, qui va à Lille ce soir et qui peut nous faire le topo d'avant-match. On a deux défenseurs absents et jusqu'à hier, un hasard blessé. Et puis au 070-233-466, Tanguy, le manifestant qui avait bu 10 canettes et agressé le commissaire Van der Smissen, écope de 2 ans de prison avec sursis et jure qu'il ne manifestera plus jamais. Est-ce que c'est lourd ou léger comme sanction ? Voici donc la fin de l'histoire. Le 24 mai dernier, Tanguy, trois fois papa et jardinier dans la vie, avait foncé sur le commissaire Van der Smissen et l'avait frappé par l'arrière. Vous vous souvenez de ces images qui avaient fait le tour de la Belgique. Eh bien, le tribunal correctionnel de Bruxelles a tranché. Parce que Tanguy s'est excusé, parce qu'il n'a pas d'antécédents, parce qu'il a avoué sa consommation excessive d'alcool ce jour-là, dit Canette, parce qu'il a entrepris une thérapie sur son addiction à l'alcool, parce que le commissaire a dit, je crois, à sa sincérité, et parce que l'homme jure qu'il ne manifestera plus jamais, eh bien le tribunal n'a pas suivi les 30 mois de prison requis par le parquet, non, 2 ans de prison avec sursis total. C'est la question pour vous ce matin. 2 ans de prison avec sursis total et l'homme, Tanguy, qui jure qu'il ne manifestera plus jamais, c'est lourd ou léger comme sanction. Marion Jomat, le standard est ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070-233-466 ou par SMS au 3063 50 cents par message. Voici les trois derniers débats de C'est vous qui le dites, un pharmacien qui refuse de vendre la pilule du lendemain, le match des Diables ce soir contre le Pays de Galles et l'agresseur du commissaire Van der Smissen condamné à 2 ans avec sursis. Les deux premiers débatteurs pénètrent dans l'arène d'une démarche assurée. Ils sont prêts à se lancer corps et âme dans ce dernier débat. Il s'agit de Nawal Ben Salem, journaliste à la dernière heure, et Martial Dunemont, journaliste politique à l'avenir. Martial Nawal, bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour. Premier débat sur la table, un pharmacien de Le Saint-Pierre qui, face aux jeunes femmes se présentant dans la pharmacie, dit non, ici, pas de pilule du lendemain, je n'en vends pas. C'est le choix de ce pharmacien en totale opposition à ce que doivent faire les pharmaciens d'après l'ordre. Est-ce que vous donnez, Nawal, le droit à ce pharmacien de dire « Non, je ne vends pas ça ». Non, absolument pas. Moi, je respecte personnellement les convictions et les croyances de chacun. J'estime que lui aussi doit le faire. Et je ne vois pas de quel droit est-ce qu'il pourrait se permettre de juger des femmes qui prennent ces pilules. On verra son argument après. Mais d'abord, votre position, Marcel. Est-ce que vous lui donnez ce droit ? Absolument pas. C'est scandaleux. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux là-dedans ? Il dit, moi, je veux pas, ce sont des saloperies, elles tuent des bébés. Oui, mais alors on peut faire ça. On peut faire ça avec n'importe quoi. On peut prendre n'importe quel prétexte pseudo-moral pour ne pas délivrer le médicament, pour ne pas soigner les gens non plus. Les pharmaciens sont là pour vendre des médicaments qui sont nécessaires, utiles aux personnes, et il n'a pas à prendre position morale par rapport à ça, ou alors qu'il change de métier. Et si, Nawal, c'était une position médicale? Voilà un pharmacien très prudent qui a un doute sur un produit et qui préfère préserver ses patientes et clientes. Peut être une position médicale ou ça n'est que moral et religieux? Mais non, pas du tout, parce que d'abord, monsieur est pharmacien, monsieur n'est pas médecin. Et contrairement au médecin, comme vous l'avez dit, il n'a pas de clause de conscience. Et là, il dépasse son rôle. Alors bon, est-ce qu'il est frustré parce qu'il n'est pas médecin? Je n'en sais rien. En tout cas, il dépasse son rôle. Et puis, je voudrais aussi préciser que la pilule du lendemain, non, monsieur, ne tue pas systématiquement des enfants. Ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas parce qu'on prend une pilule du lendemain qu'automatiquement, on était enceinte. Donc, c'est ridicule. Si c'est pas médical, c'est une position religieuse, c'est ça? C'est une position morale, parce que visiblement, quand on lit le papier, il dit oui, ça tue des enfants. Je veux pas être le complice d'un meurtre. Et voilà, c'est ça. Donc c'est une position qui est éminemment morale. Ce n'est pas un problème de santé. Il ne dit pas ce n'est pas bon pour la santé des femmes. Il dit je ne veux pas être complice d'un meurtre. Donc il n'a pas à prendre de position morale par rapport à ça. Point barre. Et si on avait fait une erreur? Et si les pharmaciens aussi devaient avoir une clause de conscience en disant là, ça meurt, je ne le ferai pas. Aller à la pharmacie d'à côté, mais moi, je ne peux pas. Et si on devait donner ce droit à la clause de conscience aux pharmaciens? Mais où s'arrêterait-on alors? C'est impossible. Le pharmacien n'est pas celui qui prescrit le médicament. Il ne sait pas dans quel cadre est-ce qu'il est prescrit. S'il commence à refuser tel ou tel médicament pour un oui ou pour un non, à ce moment-là, sa pharmacie peut être vide. Je suis désolée. Ça ne règle pas tout? Un droit de conscience, Martial? Ben non, parce que où s'arrête le droit de conscience? On pourrait très bien imaginer aussi que le pharmacien, parce qu'il est catholique rabbique, dira non, moi je refuse de vendre des préservatifs parce que c'est l'abstinence qui doit primer et non pas la contraception. Donc il n'y a aucune raison qu'il puisse faire ça. On va demander un avis à Saint-Nicolas. Pedro en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Et donc un pharmacien de Saint-Pierre refuse de vendre la pilule du lendemain aux jeunes femmes. Est-ce que vous lui donnez ce droit, qu'il a pris d'ailleurs? Est-ce que vous lui donnez ce droit? Oui, bien sûr, je lui donne ce droit et je pense qu'il faudrait une clause pour ce genre de profession où ils sont amenés à devoir vendre des objets qui peuvent entraver sur leur... Mais au nom de quoi vous lui donnez ce droit? Au nom de convictions religieuses? Au nom de convictions morales? Parce que vous estimez que celles qui prennent la pilule du lendemain sont des jeunes femmes inconscientes qui abusent? Au nom de quoi vous lui donnez ce droit? Je lui donne ce droit au nom de ses convictions. Alors, un pharmacien n'est pas obligé de devoir donner le droit à une femme de arrêter une procréation en cours. Donc, je pense que... Mais la déontologie de la profession dit que le pharmacien doit servir l'intérêt du patient sans aucune autre forme de discrimination. Doit servir l'intérêt du patient. Oui, mais je pense qu'il faudrait une clause pour les pharmaciens, comme pour les médecins, pour qu'ils puissent... refuser de faire cet acte, ça porte atteinte à leur croyance. Ça veut dire que ce pharmacien pourrait être en droit de ne pas vendre des préservatifs s'il a un problème, pourrait être en droit de ne pas vendre d'autres traitements? Pour moi, oui. Voilà, le pharmacien doit pouvoir jouir de cette clause et pouvoir décider, lui, ce qu'il vend ou ce qu'il ne vend pas. Étant donné qu'il y a pas mal de pharmacies, les patients peuvent... se retourner vers d'autres pharmacies. Et la jeune femme qui veut la pilule du lendemain, qu'est-ce qu'elle fait? Puisque là, le pharmacien a dit non, qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle va ailleurs, il y a d'autres pharmacies, il n'y a pas de problème, elle trouvera très vite, il y a des pharmacies, il y en a des milliers en Belgique. Ok, donc, vous donnez le droit à ce pharmacien alors de dire non et d'avoir une forme de clause de conscience. Dans le fond, dans ce dossier, Martial, est-ce qu'on a affaire à un acte dangereux? Est-ce que ce pharmacien qui fait un choix, est-ce qu'il met des patients en danger? Ou il fait juste un choix commercial, personnel, qu'on peut discuter sur le plan moral? Mais encore une fois, il ne sait pas dans quelle situation est cette jeune femme. Il ne sait pas pourquoi elle a demandé la pilule du lendemain. Et donc, à partir de ce moment-là... Il risque potentiellement de la mettre en danger. Je veux dire, si elle est dans une situation, sociale, personnelle, désespérée, et que le fait d'avoir un enfant serait pour elle un véritable drame humain, à partir de ce moment-là, il met la vie... aussi psychologique de cette jeune femme en danger. Donc, il n'a absolument pas à intervenir de cette manière. Bon, c'est à vous de vous prononcer. Un pharmacien de Le-Saint-Pierre refuse devant la pilule du lendemain aux jeunes femmes. Est-ce que vous lui donnez ce droit qu'il a pris d'ailleurs de lui-même? Dans un instant, deuxième débat sur la table et les deux questions Diable Rouge. Vous allez à Lille ce soir et qui peut nous faire un topo d'avant-match? Tanguy, le manifestant qui avait bu 10 canettes et agressé le commissaire Van der Smissen. 2 ans de prison avec sursis, il jure qu'il ne manifestera plus jamais. C'est lourd ou léger? Et puis 10h45, la question qui dérange. Nassogne va louer pendant 99 ans au moins une partie de sa forêt à Éric Dombes, le patron de Péridesa, pour en faire un laboratoire biodiversité. Une commune qui loue une forêt à un privé. Ça marche? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hola, c'est Yoni Vidal. Avec mon groupe Estrella, ce samedi 2 juillet à Tournai, nous allons vous faire danser sur des rythmes latinos. Et Polo et Grand Georges seront également au rendez-vous. Hasta pronto, amigos. Le Showcase du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 2 juillet à Tournai. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. À l'occasion des soldes, les Tissus du Chien Vert vous offrent la confection gratuite de vos tentures sur une sélection de plus de 200 tissus. Une confection gratuite et made in Belgium. Les Tissus du Chien Vert à Bruxelles, Waterloo, O'Neill et sur chienvert.com. Ah oui, au Tissus du Chien Vert, tous nos prix sont conseils compris. Retrouvez nos soldes et conditions sur chienvert.com. Vivacité La Une présente le Vaux Rire, le Festival International du Rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vauxrire.be. Vivacité et La 3 présente l'exposition En plein air à la Beauverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauverie.com. La Beauverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. UEFA Euro 2016. Ce vendredi, les Diables Rouges sont à Lille et jouent leur quart de finale. À 21h, Pays de Galles, Belgique. Dès 20h, avec la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre. Un euro bleu, blanc, diable. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron Morito. Gaël, vous avez tout pour vous. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actualité avec vous, bien sûr, avec Martial Dumont, le journal L'Avenir, avec Nawal Ben Salem, La Dernière Heure. Voici le deuxième débat sur la table et les deux questions avant ce match historique des Diables tout à l'heure contre le Pays de Galles à Lille. D'abord, qui va à Lille ce soir? Vous regarderez le match où, Martial? Eh bien, moi, je serai au bistrot de mon village, à Imier, avec une... Écran géant? Avec un grand écran, tout à fait, et une bande de fous furieux qui vont de nouveau faire la fête pour la 5e fois. Ah, ils cherchent le bon mot pour qualifier la bande qui y sera. Vous allez à Lille ce soir, Nawal? Non, je reste à la maison entre copines. Voilà, je n'avais pas envie d'aller à Lille, et puis la police déconseille d'y aller, je pense que ça va être bouché. Voilà, maintenant, ceux qui y vont, tant mieux, mais moi, ça sera entre copines à la maison. Un mot d'abord sur l'ambiance, avant de trouver quelqu'un qui peut nous faire un topo d'avant-match, avec notamment les problèmes de défense. Vous n'avez pas l'impression, Martial, que la Belgique est à la veille ou à quelques heures d'une finale? On vit ici une ambiance, non pas de quart, mais une ambiance de finale. Il y a quelque chose d'assez particulier dans ce truc. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui est en route maintenant, parce qu'on est dans une situation particulière où, pour la première fois, on a une possibilité d'aller jusqu'au bout de cet euro. Et donc, fatalement, il y a un engouement énorme. Et chaque match est considéré quelque part comme, comme une finale. Marc Wilmot a souvent tendance à dire, quand on est dans un tournoi comme ça, que chaque match est une finale. Ben c'est un peu ça, et on sent que l'ambiance croît de match en match. D'où vient l'excitation, Nawal? C'est parce que c'est à Lille, c'est-à-dire juste à côté de la frontière, et on sait que les frontaliers, spontanément, vont déjà souvent à Valenciennes, à Villeneuve-d'Ascq et à Lille. Ça vient de la proximité du match? Ou c'est parce qu'il y a ce quart et qu'on s'est emballé? Mais c'est parce qu'il y a ce quart, évidemment. N'oublions pas qu'il y a 10 ans, les Diables Rouges n'étaient nulle part. On a enfin de l'importance dans un tel tournoi. Ça n'est plus arrivé depuis des années. Après la Coupe du Monde en 2014, nous voilà à nouveau en quart. On ne peut qu'espérer, évidemment, une finale. Et ça, c'est génial. Et moi, je souhaite juste une chose, c'est que si jamais on perd ce soir, je n'y crois pas, je suis optimiste, que du jour au lendemain, les Belges ne vont pas se retourner contre ces Diables et les détruire, parce que ça, ce serait dommage. Il faut être positif aujourd'hui, et si on perd, ben voilà, il y a des circonstances. Le monde nous regarde ce soir, le monde du football et l'Europe du football, l'Europe nous regarde, Marcel? Je pense bien, oui, parce que ça fait quand même, allez, on va dire 2 ans depuis le début des qualifications, où tout le monde dit, voilà, les Diables Rouges sont parmi les grands favoris de l'Euro. Alors, il y a eu un moment d'hésitation et de flottement quand on a commencé contre l'Italie, mais depuis, on monte en puissance et c'est clair que maintenant, tout le monde a le regard tourné vers la Belgique, qui a une bonne chance d'aller au bout de cet Euro. Les deux questions avant le match historique des Diables. On va à AB. Gilles, bonjour. Bonjour Benjamin. Je fais la première. Qui va à Lille ce soir? Vous allez à Lille ce soir? Oui, je suis en route. Vous êtes à quelle hauteur? Je suis à Spi, je viens de m'arrêter à l'aire de Spi pour parler avec vous. Et vous avez des places pour le match ou vous allez juste dans la ville? Oui, j'ai deux places pour le match ce soir. Vous allez avec qui? Donc je vais avec un ami qui me rejoint, qui part de Teux, près de Spa. Vos places, le prix, parce qu'elles sont chères et symboliquement chères, les places de ce soir. Vous les avez eues à combien? Alors moi je les ai payées au prix du ticket, donc c'est catégorie 2, je les ai payées 135 euros. 135 euros, ce qui reste raisonnable, parce qu'on a vu qu'il y avait un petit marché noir illégal qui était en train de se mettre en place. Vous avez l'impression d'aller à une finale, Gilles, ce soir? Je dirais pas une finale, mais une pré-finale, comme votre commentateur a dit précédemment. Je pense que maintenant, on a 2-3 finales qui arrivent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette excitation qui est juste à côté de la frontière. Ah ben c'est une belle image. On a 2-3 finales qui arrivent, effectivement. Je voudrais votre avis, Gilles, puisque vous êtes sur le chemin du stade. C'est la deuxième question sur le topo d'avant-match. On a un gros souci de défense. On en a 2 qui ne seront pas là. Il y a le suspendu et le blessé. C'est une grosse inquiétude pour ce soir, ça, la défense? Oui et non. Je pense que notre point fort, c'est surtout notre force offensive. C'est vrai qu'on a 2 tuiles avec les Vermaelen suspendus et Vertonghen qui sont blessés. Mais je pense que notre point fort, c'est l'offensive. Donc là, on va être capable de mettre des goals, on va peut-être en prendre, mais on en mettra plus. Et dans l'offensive, vous mettez qui, vous? C'est qui notre point fort offensif? C'est qui? Ah, c'est la paire Hazard de Bruyne qui est au-dessus du lot, je pense. Ah, au match précédent, ils se sont entendus, ils ont joué comme jamais. Gilles, je vous laisse continuer sur la route, alors en direction de Lille. On termine autour de la table. Nawal, d'abord chez vous, le petit topo d'avant-match. Vous pouvez me donner votre vision de ce qui se passe ce soir, de ce qui est force de la Belgique, faiblesse de la Belgique, avec un Hazard qui était encore blessé hier matin. Qui est encore blessé, mais qui jouera ce soir. Hein. Donc restons positifs. Moi, je mise sur le petit Lukaku, tiens, parce qu'on dit qu'il n'a pas trop d'entraînement, que voilà, qu'il n'a pas d'expérience, mais je me dis que c'est justement l'occasion pour lui de tout donner et de montrer ses preuves. Et donc je crois en lui. Et voilà. Martial, Lukaku, c'est l'homme qui pèse sur les défenses adverses. Vous savez, on a beaucoup entendu ça. C'est ça pour vous, Lukaku, l'homme qui pèse sur les défenses adverses? Lukaku, lequel? Romelu? Le petit, hein, moi je parlais du petit. Ah, vous étiez hein. Sur le petit, vous étiez sur le grand à l'avant. Ouais, non, mais c'est vrai. On commence par le grand à l'avant, le vieux. Romelu, il a quand même pesé les derniers matchs sur les défenses. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé, même s'il n'a pas marqué. Et le dernier match contre la Hongrie, il a fait un très bon match. Il a vraiment fatigué la défense hongroise. Mm-hmm. Quant à son frère, bah, c'est vrai qu'il est jeune, mais Jordan, il sera aligné Jordan, plus que probablement. Oui, il sera sans doute à gauche. Il est pas trop jeune. Je pense que, évidemment, il va falloir faire gaffe parce qu'avec Gareth Bale qui va passer sur les côtés, il y aura des risques, mais. Jordan est très rapide, c'est quelqu'un d'offensif et je pense qu'il sera totalement à la hauteur. Et dans l'axe, je crois que si Jason De Nayer joue à la place de Vermaelen, ça devrait le faire aussi parce qu'il a quand même déjà acquis pas mal d'expérience et il connaît le foot britannique. Il faut pas oublier qu'il a joué au Celtic. Il appartient, je crois, à Manchester City. Je pense raisonnablement qu'on ne doit pas avoir trop de craintes par rapport à ça. Et au niveau de la division offensive, si nous refons le match contre la Hongrie, ça passera. On est bon. Dernière chose, est-ce que vous le voyez comme ça? C'est une des lectures dans la presse ce matin, il y en a d'autres. Est-ce que ce soir, c'est un duel Gareth Bale et Eden Hazard? Ou vous ne voyez pas ce match comme ça, Nawal? Mais ce sont les deux stars du match, évidemment. Donc oui, certains peuvent le voir comme ça. Moi, non. Je mise plutôt, comme je l'ai dit, sur les petits jeunes. Et je pense qu'ils font aussi, voilà, ils ont aussi toute leur importance dans cette équipe. Il n'y a pas qu'Eden Hazard. Lukaku, le jeune et le vieux. Donc on essaiera de comprendre tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Les deux questions avant ce match historique des Diables. D'abord, qui va à Lille? Et puis, qui est capable de nous faire un topo d'avant-match avec les problèmes de défense et Eden Hazard, qui hier encore était blessé, contracture à la cuisse. Dans un instant. Troisième débat sur la table. Tanguy, l'agresseur du commissaire Van der Smissen, a juré qu'il ne manifesterait plus jamais et il ne prend que 2 ans de prison avec sursis. C'est lourd ou léger? Ce sera à vous de faire le tri. Puis 10h45, la question qui dérange. Nassogne va louer pendant 99 ans au moins 1500 hectares de sa forêt à Eric Dombes, le patron de Péridesa. Une commune qui loue sa forêt à un privé. Plus de chasseurs, plus de filières bois. C'est bien ça? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Vivacité présente les 19e Tchafourni. Ces 2 et 3 juillet, troubadours, acrobates et poètes des temps modernes vous invitent au cœur d'Angie pour un voyage onirique et hors du temps à travers les arts de la rue. Entrée 2,50€, gratuit pour les enfants. Info ccangie.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Avenir et RTC Télé-Liège. Avec nous, l'Euro est bleu, blanc, diable. Après leur match exceptionnel contre la Hongrie, les Diables affrontent les Dragons Gallois en quart de finale. Pays de Galles-Belgique, à suivre en direct ce vendredi soir sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. 10 euros? Oui, 10 euros et le monde Télésat s'ouvre à toi. 10 euros, c'est tout? 10 euros et avec l'abonnement télé de Télésat, tu vas voyager, mon pote. Mais genre? Mais tu vas découvrir plus de 500 destinations. Voyages, musique, documentaires, films, séries. Avec une qualité numérique? Ouais! Disponible partout en Belgique? Mais oui! Pour 10 euros par mois? Je sais, c'est dingue! C'est complètement dingue. Avec Télésat, entrez dans le monde des fans de télé grâce à l'offre la plus compétitive du marché. Profitez maintenant de l'abonnement Télésat à 10 euros par mois pendant les 10 premiers mois. Télésat, le choix malin. Infos et conditions sur télésat.be. Ça y est, c'est parti. Vous êtes sur la route du match de l'année. Quand tout à coup, bam, la panne de voiture. Catastrophe. Ou pas, car aujourd'hui, Touring dépanne gratuitement tous les fans des Diables sur la route de Lille. Ce match-là, il faut pas le rater. Alors si vous tombez en panne sur la route de Lille, appelez vite le 070 344 777 et donnez le code DIABOLO. Touring, mobilisons-nous. Offre soumise à condition. Si vous achetez demain ou ce week-end un pack de cascanettes de Coca-Cola ou Coca-Cola Zero 33 centilitres, vous recevez le deuxième pack à moitié prix. Allez, braquons à cette promotion. Conditions dans les magasins participants. Cet été, profitez en famille des meilleurs parcs d'attractions avec des entrées gratuites dans vos journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair, La Capitale et Le Soir. Chaque samedi, une entrée gratuite à l'achat d'une entrée achetée dans un parc d'attractions. Réservez vite votre journal et amusez-vous tout l'été grâce aux journaux Sud-Presse et Le Soir. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole C'est vous qui le dites. En fonction de vos appels, un débat s'impose dans la deuxième partie avec Martial, l'avenir, avec Nawal, la dernière heure. Troisième débat sur la table. Vous vous souvenez de Tanguy, donc ce manifestant qui avait bu 10 canettes et agressé le commissaire Van der Smissen. On avait vu ces images de l'homme qui s'approche par l'arrière et qui frappe violemment le policier. Et bien, on a maintenant la fin de l'histoire entamée le 24 mai dernier. Tanguy, donc, parce qu'il a entrepris une thérapie pour son addiction à l'alcool, parce qu'il a dit qu'il avait bu effectivement ce jour-là 10 canettes, parce qu'il s'est excusé, parce qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, parce que le commissaire a dit, je crois, en sa sincérité, et parce qu'il a juré qu'il ne manifesterait plus jamais, 2 ans de prison avec sursis total sans aucune condition. C'est lourd ou c'est léger, Nawal ? C'est léger. Trop léger ? Trop léger, puisqu'il n'y a même pas une condition, comme vous le dites. Il a entamé tout seul une thérapie, oui, mais qui nous dit qu'il va la suivre, sa thérapie ? Ce n'est pas parce qu'il est allé à une séance juste avant le procès que pour autant il va la suivre. Donc j'estimais que le minimum, c'était au moins de lui imposer cette thérapie. Oui, qu'on comprenne bien, Martial. Donc la justice dit 2 ans de prison avec sursis, mais on ne vous oblige pas, en regardant régulièrement que vous le faites, on ne vous oblige pas à faire cette thérapie alcool. Ils ont vachement confiance au tribunal correctionnel. Vachement confiance. Je veux dire, une thérapie, pourquoi ? Est-ce que ce gars, d'abord, a un vrai problème d'alcool ? Il l'a reconnu, en tout cas. Il l'a reconnu. Non. Il a reconnu qu'il avait bu ce jour-là, effectivement. Et pourquoi il va en thérapie s'il ne le reconnaît pas ? C'est une thérapie sur l'addiction. C'est une thérapie sur l'addiction, parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il avait un peu déconné, si je puis me permettre. Mais demander que le tribunal demande une thérapie en disant oui, vous devez vous faire soigner sans savoir, je veux dire, parce que ça a été rapide hein, quand même ce procès. Je veux dire, est-ce qu'on a réellement fait une analyse psychologique pour savoir si ce gars était vraiment alcoolique, s'il avait vraiment un problème d'alcool, ou bien s'il a juste pété un câble ce jour-là parce qu'il avait bu 10 canettes? Non, on ne sait pas. Donc, moi, je pense qu'il n'y avait pas lieu de la part du juge à demander une thérapie. Je peux en prendre un autre. Le tribunal aurait pu dire « Je vous impose maintenant, monsieur, de ne plus jamais manifester. » Et là aussi, c'est le Tanguy qui a dit « Je jure, moi, que de moi-même, je ne le ferai plus. » Je pense que le juge a été suffisamment intelligent pour se rendre compte que c'était dans le feu de l'action. Il y avait le problème d'alcool, effectivement, qui lui a sans doute échauffé l'esprit. Il a vu le commissaire Van der Smissen qui était tout seul en train d'essayer de gazer des gens qui commençaient à se replier. Il s'est dit je vais le mettre entre guillemets hors d'état de nuit. Il a foncé dessus. Il lui a collé un pain, mais je veux dire, on sait très bien que le but n'était pas de l'étaler pour le compte. D'ailleurs, la blessure du commissaire n'est pas due au coup, elle est due au fait qu'il est tombé et qu'il s'est cogné la tête par terre. Nawal, un mot sur le Tanguy qui dit de lui-même « je n'irai plus jamais manifester ». Cette sanction qu'il s'inflige à lui-même, elle est lourde ou elle est légère ? Mais vous savez, au tribunal, on ne va jamais dire « je vais retuer une fois que je serai libre ». Je vais encore frapper. Forcément, on va dire non, je ne recommencerai plus jamais, monsieur le juge, pardon. Maintenant, dans le feu de l'action, Martial, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on est dans le feu de l'action qu'on peut se permettre de frapper des gens, peu importe qu'ils soient policiers ou autres. Je ne dis pas qu'ils pouvaient se permettre. Je dis simplement ça s'est passé. Je veux dire, ce n'est pas le fait de quelqu'un qui est un récidiviste, qui était là pour casser. Je veux dire, ça a été un geste regrettable, mais spontané. A dit, je crois en votre sincérité, monsieur Tanguy. Commissaire l'a dit lui-même au tribunal. Mais tant mieux pour lui, mais le problème c'est que si on n'impose aucune sanction, il ne faut pas s'étonner si demain, si dans 3 mois, si lors de prochaines grèves, eh bien à nouveau, on a affaire à ce genre de situation. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas poser de sanction, je dis simplement... Vous auriez dit un peu de prison ferme, vous, pour ça ou pas ? Non. Non, parce que alors à partir de ce moment-là, chaque fois qu'il y a une bagarre, chaque fois que quelqu'un met un coup de poing à quelqu'un, même si c'est regrettable, alors on met en prison. Je veux dire, faut de pas la prison, plus, non, mais des conditions à sa libération, un suivi, un minimum, mais cette libération, thérapie. À quelle libération il n'a pas été À sa mise en liberté, il est dehors, donc des conditions de suivi. Qu'est-ce qu'on aurait pu lui imposer à part un suivi très précis de sa cure d'addiction ? Mais par exemple, ça aurait été un minimum, en tout cas, un petit signal. On ne sort pas du tribunal après. 2 ans de prison, même avec sursis, si ce n'est pas un signal, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Mais non, moi j'estime qu'il y a un minimum. C'est là qu'il y a point d'interrogation. Allons à Serein demander un avis. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Tanguy, voilà le manifestant qui a bu 10 canettes et agressé le commissaire Van der Smissen. 2 ans de prison avec sursis, il jure qu'il ne manifestera plus jamais. C'est lourd ou léger comme sanction ? Non, c'est trop facile, Benjamin. C'est largement trop facile. Et je ne suis pas du tout d'accord avec votre collègue, M. Martial, qui dit que ce qu'il vient de dire là, mais alors pas du tout. Ah, mais il vient de vous dire 2 ans avec sursis, c'est pas la gnognotte quand même. Non, si. Non, écoutez, il faut arrêter. D'abord, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, si ça avait été un délégué syndical, on aurait cassé tout le bordel. Ça, c'est clair. Imaginez-vous un délégué syndical qui aurait fait ça. Mais c'était pas. C'était un manifestant lambda. Rappelez-vous la déléguée syndicale, la CGSP qui est allée secouer dans un magasin quelques vêtements, le scandale que ça a fait. Vous rappelez de ça? Ça aurait été catastrophique. Maintenant, deuxième élément, vous donnez maintenant aux hooligans futurs de venir dans les manifestations. Venez, frappez et dites au juge, c'est l'alcool, je ne le ferai plus. Mais monsieur, attendez, ici il y a quand même un élément, c'est qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, il y a des excuses, il y a la victime qui dit je crois en votre sincérité, monsieur. Peut-être qu'il y a un hooligan, ça se passera autrement. Hein. Attendez, Benjamin. La victime, elle dit ça pourquoi? On a sali son image, les médias saluent son image en disant que c'était déjà un policier qui était déjà violent avant. Donc déjà lui, on l'a déjà tué avant, le commissaire. Donc lui, pour effacer l'image qu'on lui a donnée de violent, il s'est dit, bah, je vais l'excuser, quoi. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et le Tanguy qui dit, je jure de ne plus jamais aller manifester, vous le croyez au moins? C'est du n'importe quoi. Vous avez une altercation maintenant dans la rue avec un automobiliste. Vous faites ça, je vous garantis que le tribunal va vous condamner beaucoup, beaucoup plus sévèrement. Vous ne le croyez pas? Quand il dit « j'irai plus manifester », vous ne le croyez pas? Non, mais qu'ils viennent plus manifester, de toute façon, des gens comme ça, je suis délégué syndical, on n'a pas besoin dans la foule, hein. Moi je n'en veux pas des gens comme ça. Ah, mais de toute façon, il ne viendra plus. Jacques, vous êtes à Serein ce matin et c'est beaucoup trop léger, me dites-vous. On termine rapidement, messieurs, dames, autour de la table, s'il vous plaît. Est-ce que Jacques a raison quand il dit, si le commissaire Van der Smissen dit « je crois en votre sincérité », c'est juste pour se racheter une image un peu vierge de bon policier gentil, Nawal? Eh bien, c'est tout à fait possible, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, ce policier a été sali, et ça pourrait être stratégique, effectivement. Stratégie, Van der Smissen s'est racheté une virginité, Martial? Peut-être, mais peut-être aussi qu'il a réellement vu que cette personne n'était pas forcément un hooligan, comme on en a vu par ailleurs dans les manifestations, et qui, eux, méritent des sanctions dures, parce qu'ils causent de gros soucis, et ils vont là pour casser. Ici, je pense que Van der Smissen, en dépit de sa réputation, a bien compris qu'il s'agissait d'un événement fortuit, quelque part, qui s'est passé de manière spontanée. Mais donc, si je vous suis, un peu moins Martial, mais Nawal, entre le commissaire Van der Smissen qui se rachète une virginité et l'autre qui ment un peu, le tribunal est manipulé complètement dans ce dossier. Est-ce que ce serait la première fois, Benjamin? Justement. Tribunal correctionnel, c'est des nigauds, Martial. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont... même si je trouve que 2 ans avec sursis, c'est quand même beaucoup, je trouve que dans l'argumentation, ils ont été raisonnables parce que eux aussi, le juge a bien vu aussi qu'il s'agissait là d'un accident quelque part, et que c'était pas une envie systématiquement d'aller casser, que ce monsieur n'était probablement pas un hooligan tel qu'on en a connu. Ah, il y a celui qui a dit beaucoup et celle qui a dit léger. Nawal Ben Salem, Martial Dumont, bonne journée messieurs dames. Bonne journée, allez les Japs. Bonnes vacances. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. D'abord un pharmacien de Le Saint-Pierre qui refuse de vendre la pilule du lendemain aux jeunes femmes. Est-ce que vous lui donnez ce droit? Parce que lui, il l'a pris. Les deux questions avant match historique des Diables Rouges. Qui va à Lille ce soir? Où vous regardez le match, à quel endroit? Et puis surtout, qui peut nous faire le topo d'avant-match? On a 2 défenseurs absents et jusqu'à hier, Hazard était blessé. Et puis Tanguy, le manifestant qui avait bu 10 canettes et agressé le commissaire Van der Smissen, écope de 2 ans de prison avec sursis et jure qu'il ne manifestera plus jamais. C'est lourd ou léger comme sanction? 0 70 233 466 par SMS au 3063. Notre conversation se fait maintenant à Woluwe-Saint-Lambert. Karine, bonjour. Bonjour. Karine, vous êtes une femme. Un pharmacien de Le Saint-Pierre refuse de vendre la pilule du lendemain aux jeunes femmes. Vous lui donnez ce droit? Non. C'est pourquoi? Honteux. Qu'est-ce qu'il y a d'honteux? Déjà, il n'a pas à juger. C'est la loi. S'il voulait avoir ce droit, il n'avait qu'à faire des études de médecine. Et deuxièmement, c'est très mature de cette jeune fille de prendre cette précaution, d'éviter justement le fait d'être enceinte, plutôt que d'attendre inconsciemment et éventuellement, si elle est enceinte, de devoir pratiquer un avortement qui est traumatisant pour le corps et psychologiquement. Karine, vous me dites il n'a pas à juger, mais dans ce dossier, il juge la cliente qui vient ou il juge le médicament en tant que tel? Parce qu'il dit ce sont des saloperies qui tuent les bébés, je ne veux pas être complice d'un meurtre. Donc ce pharmacien, il juge qui? Le client ou la pilule en tant que tel? Les deux. Les deux ? Ah oui, pour moi, tout à fait les deux. C'est une position extrémiste religieuse. Alors pourquoi pas refuser de vendre des préservatifs, refuser de vendre la pilule, refuser de vendre la trithérapie, et Dieu sait encore quoi. Si on met le doigt dans cet engrenage, on n'en sortira pas. Mais un pharmacien est un homme, il a le droit des convictions ou il n'a pas le droit des convictions, le pharmacien ? Il n'a pas à juger une prescription médicale. Il ne connaît pas, d'ailleurs la pilule du lendemain porte bien son nom. C'est une précaution pour éviter de tomber enceinte. Mais donnez-lui une clause de conscience, donnez-lui une clause de conscience, vous la donnez bien à des médecins. Mais ce n'est pas la même chose. Il n'a pas à juger une prescription médicale, je suis désolée, il n'est pas médecin. Mais Pedro m'a dit tout à l'heure, écoutez madame, ça ne sert à rien, votre patiente n'a qu'à aller dans la pharmacie d'à côté. On ne peut pas juste dire ça. Elle ira à côté. Bon, je suis désolée. Il y a des villages où il n'y a qu'une pharmacie accessible et la femme ou la jeune fille qui veut prendre la pilule du lendemain n'a pas forcément les moyens d'aller 20 km plus loin pour se chercher une pharmacie. Si elle est en ville, là, d'accord, c'est possible. Mais pas à la campagne. Karine, l'histoire retiendra que vous lui avez dit vous n'aviez qu'à faire des études de médecine, monsieur. RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Un camion est en difficulté sur l'A602 long Saint-Chenay à hauteur de Hans. La bande de droite est neutralisée en direction de Chenay. Il s'agit d'un début d'incendie. Pour rejoindre Bruxelles, ça se passe vraiment bien. Sur tous les axes, quelques ralentissements, mais très légers sur le 411 entre Overijse et Léonard. Sur le ring de la capitale, ça se passe bien également, même si on perd du temps en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Une vingtaine de minutes en raison de ce chantier situé à Forêt. Toujours pour la circulation intérieure, c'est entre Hautitre et Grand Bigard que ce chantier se situe à Forêt. Et là, c'est 12 minutes et c'est entre Grand Bigard et Zaventem qu'on perd une vingtaine de minutes. Voilà, c'est plus précis comme cela. À part ces problèmes sur le ring, rien à vous signaler pour l'instant. Et puis, sachez que tout à l'heure, nous survolerons également toutes les zones tumultueuses en raison des départs en vacances et bien sûr des départs pour aller voir le diable avec l'hélicoptère. RTBF Mobile Info. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur ? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, nous serons à Auton. C'est Honoré qui viendra nous faire un topo d'avant-match Diable Rouge. La défense, le milieu de terrain et Monsieur Hazard. Trouvez tous vos artistes préférés en live. De 18h à 20h, Vivacité est en concert. Auton d'or, votre bijoutier vous accueille avec le sourire pour offrir un bijou en or 18 carats, une montre de qualité telle que Gucci, Michel Herbelin, une écoute et un service. Auton d'or au centre de Malmedy. Retrouvez-nous sur Facebook ou sur localizy.com. Le commerce autrement, localizy.com. Localizy.com. UEFA Euro 2016. Ce vendredi, les Diables Rouges sont à Lille et jouent leur quart de finale. À 21h, Pays de Galles, Belgique. Dès 20h, avec la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre. Un euro bleu, blanc, diable. Ce sont aussi les soldes chez Sélection. Profitez de réductions exceptionnelles sur tous vos produits préférés. Hommes de métier et services toujours inclus. Sélection, meilleur et pas plus cher. Les 25 heures VW Fun Cup, la course d'endurance la plus fun au monde. Avec plus de 100 voitures au départ, une ambiance unique et en exclusivité mondiale, la possibilité de vivre la course en tant que passager en biplace. Vivez cet événement familial le week-end des 9 et 10 juillet sur le circuit de Francorchamps. Entrée offerte sur le site de l'organisateur Chronos Events, avec la 2 et Vivacité. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous à Tournai ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases d'Epolo et de Grand-Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Elle est pas belle la vie ? Chez Bricoplanet, ce dimanche 3 juillet, moins 15% sur tout. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Profitez d'un lave-linge AEG d'une capacité de 8 kg, d'une valeur de 649 euros à 549 euros seulement. Rendez-vous vite dans nos magasins et même ce dimanche 3 juillet ou sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. au 070-233-466, Marion Tanguy, le manifestant qui avait bu 10 canettes et agressé le commissaire Van der Smissen, 2 ans de prison avec sursis. C'est lourd ou léger comme sanction à ce propos? À ce propos, pour Jean-Charles de Perruet, eh bien, cette condamnation est beaucoup trop lourde. Il trouve que la peine de l'agresseur est vraiment exagérée. Il condamne l'acte de Tanguy, c'est vrai, mais il trouve que ce n'est pas une peine juste. Il parle même de justice à 2 vitesses, parce que quand un simple citoyen se fait agresser dans la rue ou quand une femme prend le même coup de la part d'un homme dans la sphère du privé, eh bien dans ces cas-là, jamais l'agresseur n'écope de 2 ans, même avec sursis. Alors Jean-Charles estime que ce n'est pas juste, ce n'est pas clair, il y a un problème de partialité dans ce jugement. Othon en ligne, Honoré, bonjour. Bonjour Benjamin. Les deux questions avant le match historique des Diables, vous allez à Lille ce soir? Non, je reste à la maison. Alors faites-moi un topo d'avant-match à propos de cette fameuse défense. Est-ce que pour vous c'est de la tuile totale? Vermaelen suspendu et Vertonghen blessé depuis hier. C'est la tuile non. Ou pas? Non, pas, non, non. Parce que bon, je crois qu'il va mettre Simon et Jordan Lukaku. Le seul problème avec Jordan Lukaku, c'est que on va le freiner parce qu'il a tendance à trop monter. Ah ben Marc Wilmot l'a dit, il faudra calmer ses ardeurs. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que bon, déjà, on va avoir très très difficile contre le Pays de Galles, parce qu'ils vont jouer à 5 derrière, et chaque fois qu'on joue contre une équipe qui ferme le jeu, on l'a toujours eu difficile, tout le temps. C'est pour ça qu'il faudra se méfier des Gallois, ça c'est sûr et certain. Oui, mais alors c'est quoi la parade? Parce qu'on sait qu'on va jouer face à un bloc qui nous a pas réussi, notamment en qualification. C'est quoi la parade alors? C'est de l'infiltration? C'est des longs ballons? C'est quoi? Non, pas des longs ballons. Jouer à terre et jouer très vite, et des infiltrations, surtout des infiltrations. Qui peut jouer vite à terre et s'infiltrer? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, mais qui peut jouer ça? Bah, vous avez par exemple Witzel qui sait le faire, Nainggolan sait le faire, De Bruyne et évidemment et Hazard, ça c'est sûr. Hazard, son histoire de contracture cuisse, ça vous inquiète ou pas? Non, il jouera, ça je suis sûr et certain, il jouera. Votre feeling, c'était du cinéma ce truc du « il s'entraîne plus, il est blessé », c'était de la tactique Wilmots? Ouais, aussi, mais bon, je dis pas qu'il n'était pas blessé, c'est pas ça, mais je crois qu'il a même dit à la TV, bon, qu'il sera là, mais et qu'il voudra faire un match comme la Hongrie. Alors je crois qu'il sera en forme et qu'il sera là. Surtout lui qui sait faire des infiltrations, qui sait jouer rapidement, sa vitesse. Et je crois que c'est un atout aussi pour la Belgique, mais... Je reviens 2 secondes à la défense. Jordan Lukaku, qu'on va devoir un peu calmer. Oui, c'est ça. Laurent Simon, ok, expérience, mais voilà un topo complètement inédit quand même. On fait jouer en quart pour une demi, une défense qui n'a pas l'habitude. Ben oui, mais il faut s'y faire, on n'a pas le choix de toute façon. Hein. On sait mettre qui à la place de Jordan Lukaku ou bien de Laurent Simon. C'est des gens qui ont déjà joué un petit peu en équipe nationale déjà, parce que les autres, Kabasele n'a jamais joué en équipe nationale. Alors bon, on n'a pas le choix. Mais... Ah ben je vois dans les SMS que certains voient du Jason de Neyer aussi ce soir, hein, mais c'est très partagé par SMS au 3063. Honoré, merci pour le topo d'avant-match. Angie, Vincent, bonjour. Bonjour Benjamin. Tanguy, le manifestant qui avait bu 10 canettes. Eh bien au tribunal correctionnel, après avoir frappé le commissaire Van der Smissen par l'arrière, il prend 2 ans avec sursis. C'est lourd ou c'est léger? C'est beaucoup trop lourd et c'est beaucoup trop rapide. C'est vraiment une justice de classe. C'est trop lourd? C'est trop lourd, effectivement. 2 ans avec sursis, sans aucune condition. Le commun des mortels qui subit le même sort, un coup à la tempe ou de frapper, ne passe pas en vitesse accélérée en jugement, et de 2, n'écopera jamais d'une peine aussi lourde. Attendez, on a tout. Il a reconnu les faits. Le commissaire Van der Smissen a dit « Je crois en votre sincérité, monsieur ». Entre-temps, l'homme a commencé un traitement pour l'addiction à l'alcool. Jure qu'il ira plus manifester. On avait tous les éléments. Pourquoi vous vouliez du temps? Je ne demande pas du temps. Je dis simplement qu'il y a des faits beaucoup plus graves qu'un débordement d'une manifestation. Dans la société de tous les jours, il y a la justice est overbookée. Et ici, on traite un truc people, d'une manière people. Et en plus, on oublie que c'est un père de famille qui a pété un câble, qui est en manif. Et l'élément premier, ben, c'est le commissaire Van der Smissen crée l'incident. S'il est derrière ses lignes et qu'il contrôle ses hommes, où il ne se passe rien... Enfin, quand bien même, il n'était pas là pour être frappé, hein? Non, il n'était pas là pour être frappé, mais son comportement fait qu'il le sera. Vincent... C'est que lui crée l'événement. Le Tanguy en question jure qu'il n'ira plus jamais manifester. Est-ce qu'il s'inflige là une sanction trop lourde? C'est pas le tribunal qui lui interdit, c'est lui qui dit de lui-même « je n'irai plus jamais ». Mais je crois qu'il est victime du système, en vérité, quelque part. Notre Tanguy n'est jamais qu'un exemple pour empêcher qu'on ait manifesté d'une certaine manière. Ah, ce serait le signal. Oui, mais sauf que le signal, c'est là qu'on tourne en rond, n'est pas envoyé par le tribunal. C'est lui qui dit « je n'irai plus ». Vincent, vous m'avez dit que c'était trop lourd? trop vite, trop lourd, trop vite. Est-ce que nous mènerons cette conversation dans la deuxième partie? Ça dépend de vos appels. On marque une nouvelle pause et puis nous allons à Herstal. Christophe viendra donner le droit ou pas à un pharmacien de Le Saint-Pierre de ne pas vendre la pilule du lendemain à toutes ces jeunes filles qui viennent. Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour en Espagne a pris spectaculaire. Allez, prêt pour un marathon de soldes? Chez Decathlon et sur decathlon.be, le sport est plus facile avec des soldes pour tous les sportifs. Decathlon, à fond la forme. Ouvert ce dimanche. Comment bien manger quand... on a une furieuse envie d'aller à la pêche aux moules. Alors sortez vos filets. La saison des moules a commencé chez Deleuze. Des moules charnues et succulentes pêchées en Zélande et livrées quotidiennement pour une fraîcheur absolue. Profitez-en. Jusque mercredi, le deuxième ravier de 1 kg de moules super est à moitié prix. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Aujourd'hui, un sujet passionnant. Mes fesses. J'en suis si fière que je vais même vous les montrer. Regardez, plus un gramme de cellulite. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite. Drainant, antioxydant, agit en profondeur et durablement sur la cellulite. Réductin cellulite, en vente en pharmacie. Info sur réductin.be. Camille, vous cherchez quelque chose? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. Bienvenue chez EY, anciennement Ernst & Young. Suivez-moi. EY forme des athlètes d'entreprise. Nous développons des arguments convaincants qui sont parfois décochés selon un angle surprenant. Pour chaque dossier, nous plongeons au fond des choses. Quelle que soit la discipline pratiquée, innovation, big data, IT, cybersécurité, nous visons toujours dans le mille. Alors, prêt pour ton premier jour? Surfez sur ey.com/be pour débuter une carrière de haut niveau. EY, sponsor dynamique du Team Belgium. Avec nous, l'Euro est bleu, blanc, diable. Après leur match exceptionnel contre la Hongrie, les Diables affrontent les Dragons gallois en quart de finale. Pays de Galles, Belgique. À suivre en direct ce vendredi soir sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Et au 070-233-466, les deux questions avant le match historique des Diables sur la table. D'abord, qui va à Lille ce soir? Et deuxièmement, qui peut faire un topo d'avant-match? À ce propos, Marion. Et à ce propos, Antoine de Berckheim-Saint-Agathe ne va pas à Lille ce soir. Il va le regarder devant un écran géant dans le centre de Bruxelles. Mais en tout cas, il ne s'inquiète pas trop pour les Diables de ce soir, même si Vertonghen et Vermaelen seront absents pour la défense. Les Diables rouges ont d'autres bons défenseurs en réserve. Antoine avait même proposé une défense composée de Meunier, Alderweireld, Denayer et Jordan Lukaku avant même que Vertonghen soit blessé. Antoine avait aussi pensé à Fellaini, mais au final, il préfère ne pas le voir jouer en défense parce qu'il estime que Fellaini a trop souvent tendance à mettre des coups de coude, des petites poussettes, et les Diables n'ont pas besoin de cartons jaunes supplémentaires, selon Antoine. C'est vous qui le dites à Herstal. Christophe, bonjour. Bonjour. Un pharmacien de Le Saint-Pierre. Approchez-vous du téléphone parce que je vous entends au loin sur la route. Un pharmacien de Le Saint-Pierre. Non, je suis garé, je suis très très près de mon téléphone. Parfait, là vous êtes là. Ce pharmacien refuse de vendre la pilule du lendemain aux jeunes femmes. Vous lui donnez ce droit ou pas? Oui, je lui donne. Mais il peut pas. Il est là pour donner des médicaments à ceux qui ont reçu des prescriptions médicales. Ah oui, mais comme je disais, votre interlocutrice, Madame Nawal, disait qu'il faut respecter les convictions et les libertés de chacun. Donc une dame, une femme, a le droit d'aller en pharmacie chercher la pilule lente. Ok, ben, le pharmacien peut aussi se donner la liberté, la conviction de ne pas vendre produit. C'est son échoppe. Mais sauf que, avant même de savoir s'il a le droit, il est pharmacien, donc il doit répondre aux règles de déontologie. Et la déontologie dit servir l'intérêt du patient sans aucune autre forme de discrimination. Oui, mais ça n'a rien à voir avec discrimination, c'est son choix à lui de ne pas vendre produit. Oui, mais il s'est inscrit dans une profession qui a un code de déontologie, donc le voilà au minimum en infraction avec le code de déontologie. Je n'ai pas lu le code de déontologie des médecins et des pharmaciens, donc ça je ne saurais pas vous dire. maintenant, voilà, c'est... La peur, bon. Vous l'entendez, la peur. Si on commence à introduire de la morale, de la vie personnelle, des craintes éthiques personnelles qui vont à l'encontre de ce que dit le secteur, demain, il ne vend plus de préservatifs, ce monsieur. On fait ça dans la vie quotidienne de tous les jours. Vous savez, c'est pas parce que c'est un pharmacien, mais ce que vous venez de dire, on l'entend dans la vie de tous les jours. Donc une jeune fille paniquée qui rentre dans cette pharmacie, qui a peur d'être enceinte, qui est peut-être dans une relation très fragile et précaire avec un compagnon, vous lui dites « Ah non, t'as qu'à avoir le bébé ». Non, ce n'est pas ça. Maintenant, avant d'arriver à la pilule lendemain, il y a quand même d'autres méthodes qui existent. Hein. Donc maintenant, la pilule lendemain, c'est, vous avez le préservatif, vous avez l'implant, vous avez le stérilet, vous avez la pilule contraceptive. Donc c'est vraiment le dernier recours. Mais la question n'est pas là. On demande si on lui donne le droit de ne pas vendre la pilule du lendemain. Moi, je dis oui. Mais alors, quel est l'argument ? On ne vend pas de pilule du lendemain parce que la jeune fille qui vient est une tête de linotte qui n'a pas pris ses précautions, ou c'est pour d'autres raisons teintées de religion, de quoi d'autre ? Ah non, c'est juste dans le fait qu'on doit respecter, comme on dit, les convictions et les libertés de chacun. Christophe, ce pharmacien doit avoir une clause de conscience comme un médecin ? Je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas expert là-dedans. Alors je laisse la question en suspens. Je laisse la question en suspens alors dans ce cas. Christophe, merci de nous avoir rejoints sur la route. On se retrouve juste après les infos avec le thème de la deuxième partie. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël cette grande fan du direct et du macaron Morito. Vous avez tout pour vous. Le Festival Vacances Théâtre de Stavelot est de retour avec un programme exceptionnel. 22 spectacles avec Anne Roumanoff, Pierre Kroll, Alex Vizorek, un hommage à Pierre Rapsat, humour, théâtre, musique, spectacle de rue. Les 51e VTS reviennent dans le cadre enchanteur de l'abbaye de Stavelot du 30 juin au 10 juillet. Infoweb festival-vts.net avec Vivacité. Ce dimanche 3 juillet est un bon jour pour se mettre au vert. Parce que Macro est ouvert. Il est ouvert à partir de 9h. Venez profiter des super soldes et d'une réduction de 30% sur un article au choix dans le mobilier de jardin. Jardin dans lequel vous pourrez boire un verre pendant que vos enfants chassent les vers et que votre cousin poète écrit des vers. Et que... Oui, bon, enfin, ce qui est sûr, c'est que si vous ne profitez pas de ces soldes et de cette réduction de 30%, vous serez vert. Alors dimanche, vous allez vers... Vers Macro, vous avez tout compris. Une cuisine équipée pour moins de 2 000 €, un micro-ondes, un aspirateur ou une centrale vapeur pour moins de 100 €, une plancha, un presse-agrumes ou un croque-monsieur pour moins de 40 €, c'est vraiment le moment de profiter des soldes chez Kitchen Market. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Ouvert ce dimanche. Vous écoutez Viva, il est 10h. C'est Yasmina Favaro qui nous informe. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Sortez les vareuses, c'est le jour J. Pays de Galles, Belgique, c'est à 21h à Lille. Un quart de finale de l'Euro de foot attendu pour les Diables Rouges qui ne pourront pas compter sur Yann Vertonghen blessé et Thomas Vermaelen suspendu. Si les Diables s'imposent ce soir, ils affronteront le Portugal en demi-finale. Mais avant cela, il va falloir gagner. Pour les aider, les supporters seront bien présents. Plus de 150 Belges sont attendus à Lille aujourd'hui, même si la police belge déconseille de s'y rendre sans ticket. En tout cas, la déferlante noir-jaune-rouge sera encadrée dans le stade, la fan zone et les cafés du centre-ville. Si vous comptez y aller, sachez qu'il est interdit de transporter des boissons alcoolisées et des fumigènes. Pour vous rendre à Lille, si vous optez pour la voiture, vous ne serez pas seul sur la route. En plus des fans de foot, aujourd'hui, il y aura aussi les vacanciers. Premier jour des vacances d'été, ça risque de coincer, aussi bien vers la France que vers la mer, l'Ardenne et le Luxembourg. Grande affluence aussi dans les aéroports, 47 000 passagers à Zaventem et 26 000 à Charleroi. Prenez donc vos précautions et partez tôt. Pour ceux qui restent en Belgique, eh bien c'est le moment de faire les bonnes affaires. Ce vendredi, c'est aussi le premier jour des soldes d'été. Les stocks vont être importants. Plus de la moitié des commerçants ont très peu vendu ces 6 derniers mois. Du mouvement aujourd'hui sous les fenêtres de Maggie Debloc. Les diplômés en psychomotricité iront y crier leur colère. La ministre de la Santé ne reconnaît pas leur profession comme paramédicale. Du coup, impossible pour eux d'exercer dans un hôpital ou même dans leur propre cabinet. Une décision qui passe très mal auprès des étudiants fraîchement diplômés. En Turquie, 11 nouvelles personnes arrêtées ce matin. Elles sont soupçonnées d'appartenir à une cellule du groupe terroriste État islamique. Elles seraient liées aux kamikazes du triple attentat de l'aéroport d'Istanbul de mardi. Une attaque, je vous le rappelle, qui a fait 44 morts et plus de 200 blessés. Parapluie ou raquette sur les cours de Wimbledon aujourd'hui. David Goffin espère que ce sera raquette et surtout que la pluie restera bien loin du tournoi de tennis. Le joueur affronte pour son troisième tour l'Ouzbek Denis Istomin, 116e mondial. David Goffin est le dernier Belge en lice encore dans cette compétition sur gazon. Et pour la météo, eh bien aujourd'hui encore des nuages avec pas mal d'averses, surtout cet après-midi. Pour les températures, elles seront comprises entre 17 et 20 degrés. Et tout de suite, on va faire le point sur vos conditions de circulation avec Stéphane Piedbeuf. Et en direction de Lille, ça ralentit sur 4 km. Ce sont bien sûr les travaux qui ralentissent et qui ralentiront les automobilistes qui souhaitent aller voir les Diables aujourd'hui, puisque c'est le chantier entre Quin et Lamain. Dans les deux sens de circulation, la chaussée est rétrécie. Une seule voie pour pénétrer en France. 4 km de ralentissement donc en direction de Lille. Les ralentissements vers Bruxelles concernent le 411 qui vient de Namur. Léger, très léger ralentissement entre Vereil et le Carrefour pour Léonard. Et puis faisons le point tout de suite sur le ring de la capitale où on perd 10 minutes entre Ytre et Grand Bigard en cause ce chantier situé à Forêt. Ailleurs sur le ring, on perd désormais moins de 10 minutes. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Le débat continue dans C'est vous qui le dites, toujours jusqu'à 11h et avec Benjamin Maréchal. Merci Yasmina, bonne journée, bon match et bon week-end. Comme ça on a tout fait, voici la deuxième partie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Nassogne. Nassogne va louer pendant 99 ans au moins 1500 hectares de sa forêt à Éric Dompe, qui est le patron de Peridesa, pour en faire un laboratoire de la biodiversité. Une commune qui loue sa forêt à un privé. Donc ça veut dire plus de chasseurs, plus de filières bois, peut-être plus de promeneurs. En fait, Nassogne a privatisé sa forêt. Est-ce que ça... c'est correct de privatiser une forêt. Le topo dans ce dossier, Éric Dombes avait donc un deuxième rêve après Peridesa, c'était protéger une forêt. Il est en train de réaliser ce rêve grâce à Nassogne, qui va donc lui louer une partie de massif forestier qui deviendra Nassonia. C'est le nom qui sera donné à cet espace-là. Et Nassonia, c'est quoi? Eh bien, c'est un petit coin auquel Éric Dombes va tenter de redonner un caractère naturel. Cette forêt-là est riche en gibier, en épicéas. On va en faire un laboratoire, une alternative à la gestion traditionnelle de la forêt, pour qu'en gros la forêt redevienne forêt. Oui, mais le point de départ, c'est qu'une commune donne donc à un opérateur privé sa forêt. Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, une piste ou plusieurs pistes, hein, puisque plusieurs personnes sont impliquées dans ce projet. On pourra aller voir, par exemple, du côté d'Éric Dompe, l'initiateur du projet, ou encore de Benoît Petit, le président du Royal Saint-Hubert Club, qui représente les chasseurs de la région. Ou encore, on pourra tenter de parler avec le bourgmestre de Nassogne, Marc Kirinen. Alors, on a besoin de votre apport dans cette conversation. Si vous connaissez bien les zones forestières de ce pays, à Nassogne ou ailleurs, vous savez comment on régule le gibier dans ces zones, vous savez comment on peut utiliser le bois pour en faire une activité commerciale. Laissez votre commentaire et inspirez-nous les questions de tout à l'heure via Marion Standard. Et Camille de Wellin est une marcheuse randonneuse qui a l'habitude de se promener dans les bois ardennais et elle se dit dégoûtée, Benjamin, dégoûtée qu'un privé puisse ainsi acheter un bout de forêt et le privatiser, le fermer aux marcheurs, aux cueilleurs, aux chasseurs. Alors Camille le dit, Éric Dombes arrive en Ardenne avec ses gros sabots, son gros portefeuille et veut décider seul d'un patrimoine qui appartient à tout le monde, c'est un comble. Éric Dombes est un mégalomane égoïste. Voici le commentaire qu'elle souhaiterait que vous fassiez, Benjamin. Eh bien, c'est la question qui dérange tout à l'heure. Nassogne va louer pendant 99 ans au moins 1500 hectares de sa forêt à Éric Dombes, et qui est patron de Peridesa, pour en faire un laboratoire de la biodiversité. Une commune qui loue sa forêt à un privé. Est-ce que ça veut dire qu'on privatise la forêt? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. D'abord, un pharmacien de Le Saint-Pierre qui refuse de vendre la pilule du lendemain aux jeunes femmes. Est-ce que vous lui donnez ce droit qu'il a pris de lui-même. Ensuite, les deux questions avant le match historique des Diables. Qui va à Lille ce soir et qui peut nous faire le topo d'avant-match? On a deux défenseurs absents et jusqu'à hier, il y avait Hazard blessé. Et puis Tanguy, le manifestant qui avait bu 10 canettes et agressé le commissaire Van der Smissen, écope de 2 ans de prison avec sursis et jure qu'il ne manifestera plus jamais. C'est lourd ou léger comme sanction. Trois débats, Marion, 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur ce pharmacien qui refuse de vendre la pilule du lendemain car ça va à l'encontre de ses convictions. Est-ce que vous lui donnez ce droit? C'est la question que nous vous posons ce matin dans C'est vous qui le dites. Donc, un pharmacien, d'après le code de déontologie de la profession, doit, je cite, « servir l'intérêt du patient sans aucune autre forme de discrimination ». Visiblement, on n'y est pas à Le Saint-Pierre, puisque ce pharmacien a décidé donc de ne pas aller à l'encontre de ses convictions personnelles, estimant qu'elles primaient sur le reste. Le pharmacien a donc décidé qu'il ne vendrait pas les pilules du lendemain parce que, je cite, « ce sont des saloperies, elles tuent des bébés et je ne veux pas être le complice d'un meurtre ». Un œil dans la définition de ce qu'est une pilule du lendemain, présentée comme une bouée de sauvetage. Une pilule du lendemain est utilisée quand on a un rapport sexuel sans moyen de contraception, quand on a oublié de prendre une ou plusieurs pilules, quand on a par exemple utilisé un préservatif et qu'il y a eu un problème, ou encore quand on a utilisé un préservatif qui s'est enlevé au moment du rapport. Il faut donc voir la pilule du lendemain comme une pilule de rattrapage et non pas comme une pilule abortive. Revenons donc à ce dossier. Le pharmacien ne s'en cache pas, il assume, revendique qu'il ne veut pas vendre ses pilules du lendemain aux jeunes femmes. Certaines professions ont peut-être une clause de conscience, mais le pharmacien, lui, n'a pas de clause de conscience et c'est très bien comme ça, d'après le Centre d'Action Laïque, qui a peur des excès. À ce propos, est-ce que vous lui donnez le droit à ce pharmacien? À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est une position extrémiste religieuse. Alors pourquoi pas refuser de vendre des préservatifs, refuser de vendre la pilule, refuser de vendre la trithérapie et Dieu sait encore quoi. Déjà, il n'a pas à juger, c'est la loi. S'il voulait avoir ce droit, il n'avait qu'à faire des études de médecine. Et deuxièmement, c'est très mature de cette jeune fille de prendre ses précautions, d'éviter justement le fait d'être enceinte plutôt que d'attendre inconsciemment et éventuellement, si elle est enceinte, de devoir pratiquer un avortement qui est traumatisant pour le corps et psychologiquement. Si on met le doigt dans cet engrenage, on n'en sortira pas. À vous de vous prononcer maintenant, avec votre connaissance de la pilule du lendemain, avec votre vision de ce qu'on peut autoriser ou interdire à une jeune femme qui, un pharmacien de Le Saint-Pierre, refuse de vendre la pilule du lendemain aux jeunes femmes. Est-ce que vous lui donnez ce droit ? Il a pris lui-même. C'est au 070-233-466 par SMS au 3063. Et dans un instant à Wavre, un homme, Fabrice, viendra dire si un pharmacien a le droit de dire « Sortez madame, allez ailleurs ». C'est vous qui le dites. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est aussi ce dimanche. Tous nos magasins sont ouverts. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Chez Charles Feugeleux, les soldes commencent de manière très spectaculaire. Outre les réductions de 30, 50 et 70% sur les articles sélectionnés marqués d'en rond, nous vous proposons une action de 3 plus 1 gratuit sur toute la collection du 1er au 3 juillet. Rendez-vous vite dans votre magasin Charles Feugeleux pour en profiter. Vivacité présente en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo Dravel. Tous à tourner ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases des polos et de Grand Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vivacité et la 2 présente Bruxelles-les-Bains. La plage bruxelloise vous attend pour une foule d'activités. Animation pour enfants, sport, concerts, cinéma, danse, soirée survoltée ou farniente. Vivez un été inoubliable à Bruxelles-les-Bains du 1er juillet au 7 août avec la ville de Bruxelles et la Loterie Nationale. Vendre ce que vous n'utilisez plus sur un site de petites annonces? Qui vous dit que vous serez payé? En vendant dans un magasin Cash Converters, vous êtes certain d'être payé. Cash et tout de suite. Qui dit mieux? Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. Cashconverters.be. Ce vendredi 1er juillet pour les soldes, Cora Recours est ouvert dès 7h du matin. Ce vendredi encore, Nocturne dans l'Hyper et la Galerie jusqu'à 22h. Et ce vendredi toujours, profitez de coupons de réduction exceptionnels distribués dans l'hyper de 7h à 8h30 et de 19h à 21h30. Et dimanche, ouverture des boutiques de la galerie de 11 à 19h. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Un pharmacien de Le Saint-Pierre a donc décidé de ne pas vendre la pilule du lendemain aux jeunes femmes qui se présentaient dans la pharmacie. Pourquoi ? Parce que ce sont des saloperies, dit-il en français dans le texte. Elles tuent des bébés et je ne veux pas être le complice d'un meurtre. Sauf que, la dernière heure publie ce matin quelques extraits du code de déontologie des pharmaciens. Un pharmacien doit servir l'intérêt du patient sans aucune autre forme de discrimination. Le pharmacien, contrairement à un médecin par exemple, n'a pas de clause de conscience. Il ne peut pas, pour des raisons personnelles, dire là, je préfère m'abstenir et passer la main à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous donnez ce droit à ce pharmacien? Car ce droit, il l'a pris de lui-même. On pourra reparler de ce qu'est une pilule du lendemain dans quelques minutes, si vous le souhaitez. 070-233-466 par SMS au 3063. Nous allons à Wavre. Fabrice, bonjour. Bonjour. Ce pharmacien, vous lui donnez le droit de ne pas vendre la pilule du lendemain ? Oui, bien sûr. Voilà le topo. Une jeune femme se présente. Elle a eu un rapport sexuel sans moyen de contraception parce qu'ainsi va la vie. Et cette jeune femme a peur d'être enceinte demain. Vous la mettez à la porte de la pharmacie ? Oui, mais je lui propose d'autres solutions. Ah ben, y a quoi comme autre solution ? Elle n'a pas protégé son rapport et elle a oublié sa pilule. Ben oui, mais bon, le fait d'être enceinte n'est pas un drame en soi. Bien sûr qu'elle va en faire un drame parce que c'est sa situation peut-être qui fait ça. Mais il y a des organismes qui viennent en aide aux personnes qui se trouvent dans ce genre de situation. Ah ben donc vous, dans la peau du pharmacien, vous dites « Madame, vous avez joué, vous n'avez qu'à avoir le bébé ». Ben non, on ne se moque pas des gens comme ça. Simplement, voilà, quand on est dans une situation dans la vie où on rencontre un problème, on essaie de trouver une bonne solution et pas une mauvaise. Mais est-ce que c'est au pharmacien, tout d'un coup, d'avoir une telle emprise sur la vie d'un client ? Ce pharmacien connaît peut-être pas la jeune femme qui se présente. Au nom de quoi ? Mais au nom de la vie du bébé, il l'a bien dit. Oui, ce pharmacien, donc, il ne connaît pas la jeune femme, il ne connaît pas la vie de la jeune femme. Il ne connaît pas, mais il connaît très bien le produit qu'il vend, donc... Et ce n'est pas un distributeur automatique, le pharmacien, c'est un être humain, donc il faut quand même, heureusement d'ailleurs qu'il y a encore de l'humanité dans certaines personnes, parce que sinon, ça serait pire la situation, on ferait ce qu'on a envie, et ça n'irait pas attendez, non plus. Donc. On n'est pas dans une démarche illégale à l'arrière d'une ruelle un soir de décembre, on est dans une pharmacie où on vend des pilules du lendemain autorisées par les autorités médicales de ce pays. Mais oui, mais est-ce que finalement le code, il est fait pour l'intérêt de l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui est au service des codes ou des règlements ? Donc ici, on cite bien souvent le règlement de pharmacien et qu'il doit respecter un règlement. Mais finalement, est-ce qu'on est au service du règlement ou est-ce que c'est le règlement qui serait au service de l'être humain ? Je me résume, on se résume. Donc cette jeune femme est dans la pharmacie à Le Saint-Pierre. On ne lui vend pas la pilule du lendemain, elle va au bout de la grossesse alors. Et qu'est-ce qu'elle fait de ce bébé si elle n'en veut pas ? Eh bien donc justement, il y a des organismes qui vont soit l'aider, peut-être qu'entre-temps elle aura décidé de le garder, soit il y a suffisamment de personnes qui ont envie de bébé qui ne savent pas en avoir. C'est une pharmacie catholique qui a cette position-là ? C'est une pharmacie morale qui a cette position-là ? C'est une pharmacie rigoriste, traditionnaliste ? C'est quoi ? Bah écoutez, moi je ne suis pas croyant, donc je ne veux pas dire que je ne crois pas aux forces qui sont autour de nous, mais là je ne suis pas religieux, je ne suis pas croyant dans ce domaine, enfin de la manière religieuse. Je suis un être humain, donc je respecte sur les bases scientifiques, je respecte l'être humain, donc la science est en harmonie avec ça, donc c'est pour la vie en fait. Je vous dis Fabrice ce que je lis à longueur des SMS depuis quelques minutes, et donc demain ce pharmacien, vous lui donnez le droit de ne pas vendre de préservatif parce qu'il estimera qu'avant un mariage, on n'a pas besoin de préservatif. Mais si lui il estime ça peut-être, moi je ne suis pas d'accord dans ce cas-là parce que le préservatif ne tue pas un être humain. C'est lié au respect de la vie humaine, au droit à la vie. Ce sera le propos clé de notre conversation. Fabrice, vous êtes à Wavre et vous avez donné le droit à ce pharmacien. Chauffontaine maintenant. Germaine, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous lui donnez le droit à ce pharmacien ? Absolument pas. Mais il l'a pris. Il n'a aucun droit. Il l'a pris le droit. Oui, écoutez, pour moi il est en faute. C'est une faute. Je crois, il n'a pas à donner ses opinions politiques ou religieuses dans son travail. De toute façon, maintenant, les pharmaciens, ce ne sont plus des apothicaires. Ils vendent des ombres solaires, des produits de maquillage. Ça devient des commerçants comme des autres, à la limite, à part qu'ils ont des ordonnances, je ne vois pas. Et il n'a mais pas un commerçant chez Casa, chez H&M, chez Blocker, il a le droit d'avoir des convictions personnelles. Oui, mais enfin, pour acheter une TV ou un frigo, je ne sais pas, moi, des convictions religieuses. Non, on demande des conseils, là. Mais au niveau des il ne met pas la jeune femme en danger. Elle a qu'à aller dans la pharmacie d'à côté. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. De toute façon, maintenant, il y a la drogue du violeur. Il ne faut pas oublier ça. Et je suis très choquée de ce que vous avez eu de votre interlocuteur avant moi. Il dit c'est le droit à la vie. Germaine, le droit à la vie, vous ne le respectez pas ? Attends, laissez-moi finir ma phrase. Si cette fille, tout d'un coup, se rend compte qu'elle a eu la drogue du violeur, elle se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi et qu'est-ce ? Je vais chercher la pilule du lendemain. Voilà, c'est tout. On n'a pas à se justifier auprès d'un pharmacien. Le droit à la vie. Et qu'on enlève sa vie ou qu'on ne l'enlève pas, c'est mieux peut-être de se faire avorter. Écoutez, là, au niveau de la santé morale et physique, c'est bien pire. Et si c'est pour mettre un enfant dans une famille où l'enfant ne sera peut-être pas accueilli comme il devrait l'être, vaut mieux se faire supprimer. Germaine, vous êtes face au pharmacien. Et ce pharmacien vous demande maintenant qu'on mette en place une clause de conscience. Qu'on mette la clause de conscience et ce sera réglé. À sa conscience. Les médecins l'ont, pourquoi le pharmacien ne peut pas l'avoir ? Parce que je suppose que dans les cours qu'il a eu à l'université, il a eu, je suppose qu'on lui a dit, vous devez faire abstraction de vos idées politiques et religieuses. Mais le médecin, il a bien le droit de dire, je ne fais pas des euthanasies. Le pharmacien, il doit toutes les avaler. Et on est à un autre niveau. Ça, ce sont des réactions de gros cathos. Et moi, je ne suis pas pour les gros cathos. Ah ben, je vous pose la question alors et je demande aux gros cathos de venir se prononcer ce matin dans la conversation. Vous ne lui donnez pas ce droit, Germaine. Nous allons à Bertrie maintenant. Lila, en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Lila, vous donnez le droit à ce pharmacien de dire à une jeune femme qui est dans l'officine, « Madame, sortez ». C'est pas qu'il va lui dire sortez, mais voilà. Ah mais il va lui dire je vous donne pas la pilule du lendemain pour laquelle vous êtes entrée dans la pharmacie. Oui, ou bien s'il n'est pas prêt à ce service, c'est comme allez comment je vais vous expliquer ça, c'est comme quand on donne la morphine à quelqu'un. Donc voilà, en tant qu'infirmière, je pense que la personne a le droit de refuser en fonction de ses valeurs. Mais il n'a pas à orienter, je vous pose la question, hein, je le fais sous forme d'affirmation, mais c'est une question. Ce pharmacien, il n'a pas à se mêler de la vie privée de cette jeune femme. Et il ne connaît pas les circonstances qui l'amènent à venir chercher une pilule du lendemain. Est-ce qu'il n'est pas trop intrusif à ce moment-là quand il refuse ? De toute façon, la solution pour cette fille-là, elle ne s'arrête pas justement à ce pharmacien-là. Elle peut aller voir quelqu'un d'autre. Mais lui, il a le droit de refuser de servir en fonction de ses valeurs. Donc, mais d'après le code de déontologie, non. Hein, et il doit servir l'intérêt du patient sans aucune autre forme de discrimination. Je perds la conversation, Lila. M'en voulez pas, on n'ira pas au bout et on va aller à Woluwe-Saint-Lambert. Désolé pour Bertrie, nous sommes à Woluwe-Saint-Lambert. Johan, bonjour. Bonjour, Benjamin. Ce pharmacien de Le Saint-Pierre, il a le droit ou il n'a pas le droit ? Mais moi, ce qui m'interpelle, ça me fait penser à l'histoire de feu notre roi Baudouin, qui avait refusé de voter de contresigner la loi sur l'abolition de la dépénalisation de l'avortement. Donc si Baudouin a le droit, le pharmacien a le droit. Non, justement. Enfin, je ne comprends pas leur réaction. Je comprends leurs principes moraux, je les respecte. Mais d'un autre côté, je ne comprends pas que la sphère publique intervienne à ce point dans leur sphère privée. Donc voter cette loi pour le roi Baudouin, pour feu le roi Baudouin, ou vendre cette pilule, je ne vois pas en quoi ça condamnerait ces personnes aux flammes de l'enfer. C'est là que je ne comprends pas. Mais lui, il lui dit pas que vous allez être emporté par Satan. Il dit cette pilule est une saloperie qui tue des bébés. Je ne veux pas être le complice d'un meurtre. On peut reprocher d'abord, médicalement, il a tort. Médicalement, il a tort. Il a tort. Oui. Ça, c'est une chose. Segundo, il oublie une petite chose que je pense que les autorités ecclésiastiques sont en train de, de, de prôner très régulièrement, à savoir le libre arbitre. Donc quelque part, il s'érige en juge moral par rapport à des personnes qui ne pratiquent pas nécessairement la foi que lui pratique. Oh, mais le droit donc, à la vie, je ne comprends pas. Le droit à la vie. Donc si cette pilule est prise et absorbée, bébé ne se développera pas. Oui, bien entendu, mais c'est le libre arbitre de la femme enceinte, ou potentiellement enceinte. Et la clause de conscience, même si vous l'avez contestée pour Baudouin, pourquoi ne pas régler ça avec une clause de conscience? Et il y aura les pharmacies qui, et les pharmacies qui ne font pas, et alors? Oui, je trouve ça complètement archaïque. Franchement, je trouve ça archaïque. Je trouve que c'est contre l'évolution de la société, et je ne vois pas pourquoi ce pharmacien va à l'encontre du libre arbitre de chaque citoyen, de chaque patient. Ça me dépasse. Libre arbitre, pharmacien archaïque, il appréciera. Nous allons aller dans un instant à Le Saint-Pierre, c'est la commune de ce pharmacien. Patrick viendra nous dire s'il doit changer de pharmacie ou si celle-là, il la fréquente encore. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Avec nous, l'Euro est bleu, blanc, diable. Après leur match exceptionnel contre la Hongrie, les Diables affrontent les Dragons gallois en quart de finale. Pays de Galles-Belgique, à suivre en direct ce vendredi soir sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Cette semaine, Michel Polnareff est en exclusivité sur Vivacité. Avant son concert du 19 juillet au Francofolie de Spa, retrouvez Michel Polnareff chaque soir dès 17h dans le 5 à 7 et dès 19h dans le Tip Top. Michel Polnareff, cette semaine en exclusivité sur Vivacité. L'été, Luc est sauveteur à la mer. Ouais, à Knock le Zout. Il n'a pas une minute à lui. Ah, et les deux filles là-bas. Très joli maillot, hein? Vous êtes charmante! Et Luc oublie de jouer au loto. Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. Venez vite chez Pearl Opticien pour nos soldes fondantes. Jusqu'à 70% sur toutes les lunettes, même les grandes marques. Conditions en magasin. Au 0-72-33-466, Marion. Donc ce pharmacien de Le Saint-Pierre s'est octroyé un droit, celui de ne pas vendre la pilule du lendemain. Il y a beaucoup de professionnels qui se demandent si eux aussi un jour pourraient potentiellement s'octroyer un droit. C'est exactement ça. Au standard, ils sont nombreux à estimer que ce pharmacien s'est octroyé un droit qu'il n'aurait pas dû. Et il se pose la même question. Daniel de Fernelmont, lui, il est catholique et il tient une boutique de vêtements. Et il dit que la décision de ce pharmacien de ne pas vendre la pilule du lendemain, eh bien, c'est comme si lui, Daniel, refusait de vendre des mini-jupes aux jeunes filles. Il trouve que ça n'a aucun sens. Autant sa fille n'en porte pas, autant celles des autres ont le droit d'acheter et de porter ce qu'elles veulent, même si c'est contre son avis. Alors Léa de Chasseres, elle est coiffeuse, elle fait une autre comparaison. C'est comme si elle refusait de faire une permanente à une de ses clientes, simplement parce que ce n'est plus à la mode et que Léa n'aime pas ça. Alors non, quand une cliente lui demande de faire une permanente, eh bien Léa le fait sans rechigner, même si à la base c'est contre ses convictions. On ne se frise plus les cheveux en 2016, m'a-t-elle dit. Et Aurélien de Grasse-Ologne, il est tatoueur et lui il trouve que c'est comme s'il refusait de tatouer des signes religieux, des croix, des représentations de la Vierge ou encore du visage de Jésus sur des parties de corps de ses clients. Eh bien, Aurélien le dit, s'il commence à refuser ce type de tatou à cause de ses convictions, eh bien, il peut tout simplement fermer boutique. Le Saint-Pierre en ligne. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Ce pharmacien de Le Saint-Pierre qui est donc dans votre commune, vous lui dites bravo monsieur ou vous avez non. un doute? Non, absolument pas. Je ne rentre même plus chez lui. Pourquoi? Ben, je trouve qu'il n'a aucun droit de refuser la pilule du lendemain, mais il refuse aussi de vendre des préservatifs. Il refuse toute conception, contraception. Ben, il n'a pas le droit. C'est un homme. Un homme a droit à des convictions. Un homme a droit à une conscience. Oui, il a peut-être le droit d'avoir une conscience, mais il n'a pas le droit d'utiliser notre argent des contribuables pour avoir pour avoir fait des études quand même relativement onéreuses et puis en faire ce qu'il y en veut. Attendez, c'est un opérateur privé, il n'est pas sur le compte de l'État, c'est pas une pharmacie d'État, c'est un opérateur privé qui décide de ne pas vendre cette boîte et en ne la vendant pas, il se prive même d'un petit bénéfice sur la boîte. Donc il ne dépend pas de l'argent de la collectivité. Non, mais ces études ont été payées par la collectivité. Et que quand on paye pour avoir des pharmaciens... Les médecins qui ont une clause de conscience aussi, ils ont fait des études qui en partie étaient subsidiées par les pouvoirs publics. C'est le même principe. Mais pas un pharmacien. Un pharmacien ne pourrait pas avoir cette clause-là. Mais pourquoi? Pourquoi le docteur... Expliquez-lui, parce qu'il ne comprend pas, lui. Pourquoi le médecin, il pourrait et lui, il ne pourrait pas? Ben, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois. Ah, vous le connaissez? Vous le connaissez? Ah ben, je l'ai fait dans sa pharmacie. J'ai été même... je suis parti très fâché dans sa pharmacie quand il a annoncé ça. C'est pas depuis hier qu'il a annoncé ça. Il a affiché ça depuis des années déjà. Ah, il en fait publicité? Ah oui, absolument. C'est affiché sur sa porte. Ah ben alors, il vous dit quoi? Des préservatifs. Parce que nous, on essaie de le joindre, il ne répond pas ce matin. Vous, il vous a justifié la non-vente des pilules du lendemain, pour quelle raison? Ben, il est croyant, donc il ne veut pas atteindre la vie, donc il veut protéger la vie. Mais ce n'est pas à lui de décider de ce que une jeune fille, par exemple, pourrait subir avec un enfant non voulu. Ce n'est pas à lui de décider. Ça. Oui, mais ce n'est pas à vous de décider qu'il ne peut pas être croyant. Alors... On s'en sort pas. Il peut l'être, mais pendant son métier ne le permettrait pas. Mais c'est sa conviction. Il dit je veux pas vendre ces pilules parce que ce sont des saloperies qui tuent des bébés. Je veux pas être le complice d'un meurtre. Donc en le forçant à vendre cette pilule, vous imaginez l'effort personnel et moral qu'il va devoir faire. Mais il fait aucun effort. La seule chose qu'il fait, c'est ne pas suivre la déontologie du pharmacien. Donc la seule chose qu'il fait, c'est de lui imposer son idée à toute la population qui vit autour de lui. Effectivement, il y a des autres pharmacies juste à côté, donc à 500 mètres, moins, il y a un autre pharmacien. Eh bien alors, c'est grave dans cette économie de marché. Je vais dans une pharmacie qui me dit non, je vais dans une autre. C'est un problème? Oui, pour moi, c'est un grave problème que lui, il prend cette décision-là. Mais c'est aussi un problème que toutes les... c'est une forme, au fait, de négativisme, C'est une forme de négationnisme de la femme. Je vous suis dans l'idée, Patrick. On a compris le propos en connaissant ce pharmacien. Brenne-Lalleux, maintenant. Pauline, bonjour. Oui, bonjour. Quel genre de femme prend une pilule du lendemain? N'importe laquelle d'entre nous, je dirais toutes les femmes, ça peut arriver un jour, un moyen de contraception qui n'a pas fonctionné ou pour lequel on n'est pas sûr d'être bien protégé. Vous qui êtes sage-femme, vous connaissez des femmes qui ont déjà pris une pilule du lendemain? Mais bien sûr, et moi j'en fais partie, donc voilà. Ce pharmacien vous aurait refusé en vous disant non madame. Il a le droit? Mais non, je trouve pas que c'est un droit. Je trouve qu'on doit laisser le choix aux gens de décider eux-mêmes. De plus que la pilule du lendemain n'empêche pas un bébé d'arriver, ça recule juste une ovulation. Et donc à partir du moment où on recule l'ovulation, il n'y a même pas de bébé. Voilà, ça empêche juste un spermatozoïde de rencontrer un ovule. Donc il n'y a pas encore de bébé, donc ce n'est pas un avortement. Ne chipotons pas, ce pharmacien a des convictions. Est-ce que vous donnez le droit à un pharmacien d'avoir des convictions personnelles? C'est son officine, ce n'est pas une pharmacie d'État, c'est lui. Je trouve qu'il a le droit d'avoir ses convictions personnelles, mais il n'a pas le droit d'empêcher les gens d'avoir les leurs et de devoir aboutir à une grossesse parce que lui, il a décidé. C'est pas lui qui va les élever. Il fait pas du militantisme à Moucron, à Liège et à Herstal. Il dit juste dans sa petite pharmacie, ça n'engage que lui, il n'y a pas. C'est grave? Oui, je trouve qu'un jour où cette pharmacie est seule pharmacie de garde sur le lieu, une pilule du lendemain doit être efficace rapidement dans les 24 heures et doit être prise dans les 24 heures. Et donc le jour où c'est la seule pharmacie de garde, que fait la personne? Elle se retrouve enceinte, doit élever un bébé parce qu'un pharmacien a refusé de lui donner l'accès à la pilule du lendemain. Ah, si on arrive à le joindre, on lui soumettra ce petit bémol qui est celui effectivement du jeu des horaires et des responsabilités en cas de pharmacie de garde. Vous êtes Pauline, sage-femme. Pauline, sage-femme, Braine-l'Alleud. Il est 10h32, c'est l'heure de la proportion. Marion, dans les Appelantes ce matin, combien estime que ce pharmacien a le droit de refuser la vente de produits à condition uniquement de l'afficher clairement à l'extérieur? Eh bien, 85% pensent que si le pharmacien veut se prévaloir de ce droit de refus, il a alors l'obligation d'en informer le patient en affichant à l'extérieur de la pharmacie qu'il ne vend pas ce type de produit, mais également d'afficher où il y a une autre pharmacie qui le vendrait. Pour Julie de Monceau-sur-Sambre, au moins ça évitera l'embarras aux jeunes filles qui veulent acheter la pilule le lendemain. Elles sauront qu'elles ne doivent pas rentrer dans cette pharmacie-là. RTBF Mobile Info, Stéphane. Un accident sur le 42 Mons-Liège à hauteur de Bierzet, autrement dit non loin de l'aéroport. Les bandes de droite et d'arrêt d'urgence sont neutralisées en direction de la Cité Ardente. Et puis on va faire le point immédiatement sur les ralentissements sur le passage aux frontières vers la France. Direction Lille, vous ralentissez sur le 19 qui vient de Mons depuis Pomerol sur 3 km. 10 minutes supplémentaires sur cet axe. Sur le 42 en venant de Tournai, c'est depuis Marquin que vous êtes ralenti sur 4,5 km. Et puis une vingtaine de minutes supplémentaires sur le 17 qui vient de Gand depuis Albeck sur 4,5 km également. Le point sur les temps de parcours du ring de la capitale, c'est vraiment extra pour circuler aujourd'hui sur le ring de Bruxelles puisque vous perdez moins d'un quart d'heure sur l'ensemble des axes. 14 minutes, c'est le tronçon au titre Grand Bigard, le plus chargé en raison du chantier situé à Anderlecht. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Nassogne va louer pendant 99 ans au moins 1500 hectares de sa forêt à Péridesa, qui va en faire un laboratoire de biodiversité. Une commune qui loue sa forêt à un privé. Donc pas à des chasseurs, pas à une filière bois, à un privé. Ça a du sens, ça. J'attends un nom après la pause. Ce samedi, ce lundi, chez Brico, tout sera moins 15% et même moins 20% avec la carte Brico Discount. Moins 20%. Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Oh, un nouveau smartphone! Ah oui, ça sonne bien, ça. Ou des vacances au soleil? Oh, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Fanny? Oui, monsieur? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim? À quel sujet? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier? Justement. Appelez Convert. Ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Les meilleurs soldes chez Electro Rouard à Verlaine, bien sûr. Des prix imbattables en électroménager, TV, Hi-Fi. Des prix massacrés dans les plus grandes marques, mais toujours un service irréprochable. Les vrais soldes vous attendent chez Electro Rouard, Grand Route à Verlaine. Surfez sur electrorouard.be. Rouard, c'est plus sûr. Bonjour, c'est Thomas Vermaelen. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron Morito. Gaël, vous avez tout pour vous. La mode prend des couleurs. En juillet, super solde dans vos color codes de visée à court, Lonsen et Hawaii. Découvrez un large choix d'articles à petit prix, jusqu'à moins 50%. C'est le moment de faire de bonnes affaires. Vos color codes sont ouverts tous les dimanches. Suivez-nous sur Facebook. Code, la mode prend des couleurs. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Demain, Éric Dombes, le patron de Père et des A, va donc réaliser son deuxième rêve après Père et des A. Son deuxième rêve était de protéger une forêt. Voilà pourquoi il a cherché et va maintenant créer Nassonia. Nassonia, il va donc lui louer pendant 99 ans au moins, 1500 hectares de forêt pour en faire un laboratoire de biodiversité, refaire de la forêt une forêt naturelle en quelque sorte. Ce qui est étonnant, et c'est ça la question qui dérange, c'est qu'il y a là une commune qui loue donc sa forêt à un privé. Plus de chasseurs, plus de filières bois, peut-être plus de promeneurs, on n'en sait rien. Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. À qui parlera-t-on ? Eh bien, nous parlerons avec Benoît Petit, le président de la société Royale Saint-Hubert qui représente les chasseurs. Marc Kieringen, le bourgmestre de Nassogne, n'a donné aucune suite à mes appels et à mes messages. Alors, au sein du Royal Saint-Hubert Club, eh bien, on est choqué par l'attitude d'Éric Dombes, décrit comme un capitaliste qui se permet d'acheter une part de la Wallonie au détriment de l'humain. Benoît Petit estime que les traditions wallonnes et plus spécifiquement ardennaises, ainsi que la filière bois, vont être très touchées par ce projet. La société Royal Saint-Hubert avait d'ailleurs proposé un partenariat avec Éric Dombes, mais celui-ci semble vouloir être l'acteur unique de ce projet. Le bourgmestre, lui, s'exprimait hier dans les médias. Il voulait rassurer et rappeler que la forêt reste le patrimoine de la commune, un patrimoine qui appartient à tout un chacun et qui doit rester libre d'accès, autant pour les promeneurs, les chasseurs, les habitants qui viennent y récupérer du bois de chauffage ou encore ceux qui y pratiquent la cueillette de champignons. Avant que le rêve d'Éric Dombes ne devienne réalité, il faudra obtenir l'accord de la région wallonne et du conseil communal. Le collège communal s'est quant à lui déjà prononcé en faveur de ce projet. Vous souhaitez influencer la conversation parce que vous connaissez la forêt, parce que vous savez ce qu'on peut en faire. Vous êtes de la filière bois, laissez un commentaire à Marion au standard. Et Michel de Nassogne aurait bien aimé faire ce commentaire au bourgmestre si jamais on l'a. Il aimerait lui dire qu'il est déçu, il se sent trahi par son bourgmestre qui a signé une convention avec Éric Dombes. La forêt de Nassogne n'appartient pas au bourgmestre, elle appartient à chaque citoyen de la commune, estime Michel, qui n'apprécie pas que le bourgmestre prenne de telles décisions sans demander l'avis aux citoyens, sans sonner à la porte de tout le monde. Alors si jamais vous parlez au bourgmestre de Nassogne, Benjamin, eh bien Michel aimerait que vous fassiez cette remarque. Marc Kieringen a été aveuglé par l'appât du gain. Il s'est fait acheter par l'argent d'Éric Dombes. Il a vendu l'âme de la forêt. Eh ben, ce sont des commentaires qu'on soumettra non pas au bourgmestre, il ne nous répond pas, mais bien à la Société Royale Saint-Hubert. Quand une commune privative, en quelque sorte, a un bout de forêt. Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. Vous avez choisi une conversation sur ce pharmacien de Le Saint-Pierre qui refuse de vendre la pilule du lendemain aux jeunes femmes. Est-ce que vous lui donnez ce droit ? Qu'il a pris lui-même d'ailleurs. 070 233 466 et par SMS au 3063. Soumagne, Françoise, bonjour. Bonjour. Et donc le pharmacien dit que ces pilules, ce sont des saloperies, ça tue des bébés, il ne veut pas être le complice d'un meurtre. Vous le suivez ? Non, absolument pas. Absolument pas. Pourtant, je suis catholique, moi aussi, voilà. Mais je crois que ce pharmacien oublie une chose... Dans la religion, dernièrement, le pape François, qui est quand même notre chef, entre guillemets, a dit une chose très importante. Qui suis-je pour juger ? Sauf que ce pharmacien, il n'est pas dans l'église, c'est pas un évêque, c'est pas un prêtre, c'est pas un curé, c'est un pharmacien dans une officine privée, un commerce privé. Oui, mais justement. Donc, d'abord, on n'a pas à afficher nos convictions. L'Église, la religion, qu'est-ce qu'elle demande ? Moi qui suis catholique, qui suis chrétienne avant tout, c'est d'écouter les gens, d'aider un maximum. Ceci dit, il dit pas « je fais ça pour des raisons religieuses ». Une situation. Et il juge pas, donc, il dit que la pilule est une saloperie. Il dit « parce qu'elles sont des saloperies ». Il dit pas ça des femmes qui viennent, il dit ça de la pilule. Donc il ne sait pas. Attendez, la pilule du lendemain n'est pas une saloperie, ce n'est pas quelque chose d'avortif, c'est quelque chose qui empêche l'ovulation d'une femme. Bah lui, il dit que c'est une saloperie, il est dans le business médical, lui, il n'est pas bien placé pour savoir. Mais de toute façon, il n'a pas à juger ce qu'il veut, enfin, ce que la patiente... Mais il peut conseiller, le pharmacien, vous n'attendez pas de lui un rôle de conseiller ? Mais un conseil, oui. Un conseil, oui, mais maintenant, d'empêcher quelqu'un d'avoir un médicament, parce que lui n'a pas envie, parce que c'est un... Moi, j'appelle ça des extrémistes, je n'appelle pas ça des catholiques, j'appelle ça des cagots. Ce sont vraiment des catholiques d'extrême droite, de l'extrême. C'est là l'ambiguïté, c'est que lui ne se présente pas évidemment comme un défenseur de l'Église ou d'une certaine tradition de l'Église. Mais c'est la lecture que vous en faites. À 10h41, on appelle les experts. Il est le porte-parole de l'association pharmaceutique belge, Alain Chassepierre, en ligne. Bonjour. Et Alain Chassepierre a disparu, porte-parole de l'association pharmaceutique belge. Allô. Vous êtes là, bienvenue. Oui, tout à fait. Et merci d'être là en direct avec nous ce matin. Est-ce que ce pharmacien, au regard de votre code de déontologie, est en infraction ? Ben écoutez, d'abord, absolument, et c'est un pharmacien qui est connu, et je crois qu'il doit être à peu près le seul en Belgique. Je vais relire quelques articles du code de déontologie, et je crois que ce sera plus clair que tout discours. C'est les devoirs particuliers du pharmacien envers le patient. Et l'article 17 dit, il doit chercher à servir l'intérêt du patient, mettant sa compétence, son dévouement, au service de toute personne, sans aucune forme de discrimination. Mais là, il peut dire qu'il fait du conseil ou pas, sur base de ça, Ici, en fait, on est... donc. L'avantage des officines, c'est d'être bien réparti sur tout le territoire et d'être accessible facilement à la population. Donc ici, s'il y a une demande de contradiction d'urgence, elle est motivée. Et en ce qui concerne le médicament en tant que tel, il a une autorisation de mise sur le marché. Et donc, toutes les caractéristiques en termes de sécurité ont été démontrées. Donc, je pense qu'on ne peut pas porter de jugement. Ce qu'on doit faire en tant que pharmacien, c'est répondre le mieux possible à la demande du patient, en évidemment en veillant à son intérêt et à sa santé. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait une clause de conscience désormais pour les pharmaciens, celui-là et d'autres, et sur d'autres dossiers, hein? Oui, je pense que d'abord, on doit essayer de répondre à l'intérêt de la population. Et je vais continuer parce que, franchement, l'article 28 dit la continuité des soins doit être assurée à tout moment, toutes circonstances. Ce qui est encore important, c'est l'article 31 qui dit de même, ni la personnalité du patient, ni la nature du produit ne peuvent intervenir dans les critères de dispensation. Seul l'intérêt de la santé du patient et celui de la santé publique doivent être pris en considération. Donc voilà, je pense que tout est dit. Et quand on doit vraiment mettre sa perception philosophique de côté dans l'intérêt de la santé publique et de l'intérêt du service à la population. Quelles sanctions ? C'est clair et tous les pharmaciens sont en général derrière ces recommandations. Ah ben, le propos est clair, mais que risque ce pharmacien ? Est-ce que vous êtes susceptible de déclencher une action et avec sanction à la clé ? Je ne connais pas l'historique, mais je pense qu'il y a déjà eu ce pharmacien était déjà intervenu en ce qui concerne la pilule contraceptive. Et ici, il est clairement en infraction vis-à-vis du code de déontologie. Bon, il faudrait évidemment qu'il y ait une plainte qui soit déposée à son encontre. Ça dépend évidemment de la personne qui s'est sentie lésée ou en tout cas qui estime que son accessibilité aux soins n'a pas été garantie par ce pharmacien. Est-ce qu'un pharmacien, évidemment ici la question est teintée de beaucoup de déontologie et de morale, mais est-ce qu'un pharmacien a le droit de ne pas mettre dans son stock un des médicaments agréés par la Belgique ? Est-ce que ça c'est un droit du pharmacien ? Franchement non. Non. L'intérêt c'est la santé publique et le service à la population. Et je dis, il faut vraiment utiliser le fait que les officines sont bien réparties, sont des centres de santé facilement accessibles pour justement répondre aux demandes de santé de la population. Évidemment, le rôle du pharmacien, indépendamment de ça, est de veiller à ce que le médicament qui va délivrer au patient ne soit pas en contradiction avec les autres médicaments pris par le patient ou avec l'état de santé du patient. Ça, c'est évidemment son rôle majeur, mais c'est le rôle qui va dans l'intérêt de la santé du patient. Et alors, l'aspect jugement sur les critères philosophiques n'a absolument aucune intervention à ce niveau. Ah ben ça, c'est un message qui est très clair, délivré donc par l'association pharmaceutique belge dont vous êtes le porte-parole. Merci à Alain Chassepierre. On retourne au 070 233-466 avec quelques exemples, Marion, maintenant, de jeunes qui ont déjà pris cette pilule du lendemain. Voilà, des exemples de jeunes filles qui ont pris la pilule du lendemain. Laurie de Jambes, elle est scandalisée par l'attitude d'un tel pharmacien. Laurie a déjà été chercher une pilule du lendemain en pharmacie. Elle explique que c'est une démarche très difficile à faire pour une jeune fille. Donc c'est déjà dur pour elle d'aller dans la pharmacie et de demander ça. Alors si en plus elle se retrouve à quelqu'un qui refuse de lui vendre et qui lui fait la morale, eh bien la jeune fille va sûrement se retrouver seule. Elle ne va pas forcément avoir le courage d'aller voir dans une autre pharmacie. Ce pharmacien n'est pas du tout professionnel, me dit Laurie de Jambes. Elle, si on lui avait dit non la première fois, eh bien, elle n'aurait sûrement pas poussé la porte d'une autre pharmacie par honte, elle le dit. Elle aurait vraiment eu honte. Et Léonore Dottini pense pareil, qu'elle s'était bien protégée, etc. Mais voilà, il y avait eu un problème avec le préservatif et par précaution, elle a préféré se rendre dans une pharmacie. Donc si le pharmacien lui avait dit non, eh bien, elle ne se serait sans doute pas rendue dans une autre pharmacie non plus. Dans un instant, la question qui dérange, quand Nassogne donne sa forêt à un privé. T'as entendu ça ? Quoi ? quoi donc ? Les soldes à Médiacité. C'est à partir du 1er juillet, avec non pas une, mais deux nocturnes. Le vendredi 1er et le samedi 2 juillet, jusque 22h. Et le dimanche ? Le dimanche aussi, de 11h à 19h. Oh, incroyable ! Médiacité. Shopping, loisirs, plaisir. Vivacité présente l'année du patrimoine. Participez partout en Wallonie et tout au long de l'année à des centaines d'activités culturelles, concerts, expositions, visites guidées liées au patrimoine religieux et philosophique. Plus d'infos sur www.patrimoine2016.com, une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Vivacité et La Troie présente l'exposition En plein air à la Beauvry à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauvry.com. La Beauvry, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Solde monstre chez Décorama. De moins 20, moins 50% sur des milliers d'articles signalés par étiquette. Papier peint, peinture, tenture, vinyle, parquet, déco, mobilier et luminaire. Décorama, ça ce sont des soldes. Votre magasin le plus proche sur décorama.be. Actuellement, moins 15% sur les stratifiés et parquets Quick Step de stock. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. À l'occasion des soldes, les Tissus du Chien Vert vous offrent la confection gratuite de vos tentures sur une sélection de plus de 200 tissus. Une confection gratuite et made in Belgium. Les Tissus du Chien Vert à Bruxelles, Waterloo, O'Neill et sur chienvert.com. Ah oui, aux Tissus du Chien Vert, tous nos prix sont conseils compris. Retrouvez nos soldes et conditions sur chienvert.com. C'est la folie des soldes chez MediaMarkt sur le plus grand assortiment de Belgique. Profitez d'un smartphone Samsung Galaxy S5 Neo d'une valeur de 399€ à 299€ seulement. Rendez-vous vite dans nos magasins et même ce dimanche 3 juillet ou sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Nassogne va louer pendant 99 ans au moins 1500 hectares de sa forêt à Eric Dombes et Perry Desa, qui veut donc rendre la forêt à la forêt, en faire un vrai laboratoire de biodiversité naturelle. Comme si on privatisait une forêt en quelque sorte. On appelle la Société Royale Saint-Hubert dans une seconde. Dernier commentaire au standard, Marie. Ce commentaire de Edwin de Neupré, les chasseurs sont des assoiffés de sang qui préfèrent tirer du gibier plutôt que de laisser la nature s'auto-réguler. Quelles sont les raisons valables pour que les chasseurs s'opposent à ce projet de préservation de la biodiversité ? C'est la question que Edwin vous pose, Benjamin. Le président de la Société Royale Saint-Hubert, Benoît Petit, est en ligne. Bonjour. Benoît Petit est en ligne avec nous. Bonjour et merci de nous rejoindre. On va tenter de récupérer cette communication téléphonique. Benoît Petit, est-ce que vous nous entendez, sachant que cette Société Royale Saint-Hubert, effectivement, est donc dans ceux et celles qui sont un peu sceptiques face au projet qui est censé s'appeler Nassonia. Benoît Petit, vous êtes là, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. C'est étonnant de vous savoir hostile, alors qu'Éric Dombes dit « je veux rendre à la forêt son caractère très naturel et faire en sorte, en gros, qu'elle s'autorégule naturellement ». Ça devrait vous plaire. Ben, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas que les gens de Nassogne qui se sont réveillés avec une certaine forme de gueule de bois, parce que c'est quand même relativement historique de savoir qu'une personne, certes avec des moyens financiers très très très importants, peut se permettre de confisquer leur forêt. Et de décider d'en faire autre chose. Oui, mais je vous repose la question de l'enjeu. C'est pour faire en sorte qu'elle se régule naturellement. Voilà un mythe, une utopie environnementale qui va être réalisée. Écoutez, la première chose, une forêt, c'est d'abord le fruit du travail des hommes. Il y a des générations et des générations de personnes qui travaillent pour faire un arbre. Un arbre, ça se fait entre 100 et 200 ans. Et quand M. Don dit « certains arbres ne me plaisent pas, je vais mettre à blanc des centaines d'hectares de résineux » pour y faire revenir d'autres choses, des petites plantes certainement très très intéressantes, et nous l'avons dit à M. Dombes que ce projet est intéressant. Mais je pense qu'il faut respecter avant tout la nature, il faut respecter l'homme qui a travaillé dans cette nature. La chasse n'a pas d'importance dans ce dossier. Ce qui est important, ce sont les hommes qui, depuis des générations, ont fait de cette nature ce qu'elle est, un site exceptionnel, reconnu en zone Natura 2000, parenthèse, magnifiquement géré. À propos des hommes, ça c'est vous sur la chasse. Qui va réguler le gibier, puisque vous n'aurez plus accès, vous, à cet endroit-là. Qui va réguler le gibier, là ? Ça veut dire qu'on ne le régule plus question, et qu'on... c'est une question que nous avons posée, notamment ces mineurs. Hein, je répète la chasse dans ce dossier-là. Nous avons posé la question à M. Don, parce que du gibier, vous savez, une biche, elle va donner un fan chaque année, un sanglier va donner X, X marcassin, etc. Et M. Don, je respecte tout à fait, n'aime pas la chasse. C'est son choix. M. Don n'a pas pu répondre. Il a simplement cité le mot destruction à un moment donné, quand nous avons parlé de la régulation, quand nous avons dit que nous étions prêts à aller dans ce projet, pour autant que nous soyons partenaires. Mais honnêtement, il y a moyen de réguler les animaux et le gibier sans chasse ? Ah non, ça c'est quelque chose d'impossible, si ce n'est, peut-être, à ramener les grands prédateurs naturels, les grands carnassiers dont on a entendu parler, le loup, le lynx. Monsieur Don dit aujourd'hui que non, il ne remettra pas de loup et de lynx, mais il nous dit quand même qu'un équilibre naturel va se faire. Ça, il ne faut pas duper les gens. Un équilibre naturel sans les super prédateurs, ça n'existe pas. Laissez-lui une chance. Même pas dans les grands parcs qu'il cite. Quand il cite le Yellowstone, par exemple, eh bien, le gibier, il est régulé par le loup. Quel grand parc naturel américain. Voilà. Qu'est-ce qui vous reste comme surface à Nassone ? Donc 1500 hectares de la commune vers Péridesa. Qu'est-ce qui vous reste comme espace ? Monsieur Dombe, quand on lui a posé la question de savoir pourquoi il choisissait Nassone, il nous a dit « je choisis Nassone pour son voisinage ». Son voisinage, nous avons posé la question, ça veut dire les extensions possibles. Oui, il a parlé des domaines juste à côté, des domaines de Saint-Michel-Fréhir, de Saint-Hubert et de Mochamp. Donc on imagine que ce projet va prendre de l'ampleur et donc ce sont des milliers d'hectares qui vont être retirés de la production économique. Donc vive l'Ardenne. L'Ardenne est d'abord fière de la richesse de son bois qu'elle entretient, qu'elle gère et qu'elle transforme. Ah ben c'est deux conversations. Je fais celle avec vous sur les animaux, puisque c'est votre secteur. Vous êtes le président de la Société Royale Saint-Hubert, Benoît Petit. Et il nous manquera une voix, c'est celle effectivement du secteur qui travaille le bois autour de ce projet Nassonia. Merci de nous avoir rejoints dans cette question qui dérange. Dans un instant, un complément d'information. Vous vous souvenez de notre question qui dérange du 3 juin dernier. La SBL Croissance était accusée par la dernière heure d'aller faire du prêche anti-avortement dans les écoles quand elle donne des cours d'éducation à la vie relationnelle et à affective. Cette accusation, eh bien à l'époque, la SBL Croissance n'avait pas pu répondre. Elle amène son regard sur ce prêche anti-avortement dans une seconde après la pause. Vivacité La 2 présente les frérots de la Vega au beau d'Estival. Laissez entrer leur son chaloupé. Le beau d'Estival, c'est aussi Christophe Willem, Quentin Moziman, Charcot, Grand Georges et Ouverphonique parmi une vingtaine de concerts du 8 au 10 juillet en plein cœur de Bertry. Avec l'avenir.net. Réservez vos places sur beaudestival.be. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Et je viens d'apprendre, moi, il n'y a pas que sur les vêtements qu'on fait des soldes. Sais-tu bien que l'autre, la carrelage grillée, il fait des soldes aussi, lui. Mais comment est-ce qu'il fait, donc, ce gars-là? Déjà toute l'année, c'est bon marché, voilà qu'il refait des soldes dessus. Écoute-moi bien, je vais refaire toute ma salle de bain, ça va me coûter moins cher que parle tout, tu. Carrelage grillée, bien joué, gros. Carrelage grillée, il ne laissera pas indifférent. Carrelage grillée est ouvert ce dimanche 3 juillet de 13 à 18h. Carrelage grillée, il ne laissera pas indifférent. Rue Hollène 59 à Verviers et sur carrelage-grillée.be. Carrelage Grilly est ouvert ce dimanche 3 juillet de 13 à 18h. On s'est accroché aux cordes et on a fait la tyrolienne. Ça faisait peur, mais c'était chouette. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Vivacité et la Une présente les musicales de Belœil 2016. Place à la danse, 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster avec la Libre Belgique. 10 euros ? Oui, 10 euros et le monde Télésat s'ouvre à toi. 10 euros, c'est tout ? 10 euros et avec l'abonnement télé de Télésat, tu vas voyager, mon pote. Mais genre ? Mais tu vas découvrir plus de 500 destinations. Voyages, musique, documentaires, films, séries. Avec une qualité numérique ? Ouais ! Disponible partout en Belgique ? Mais oui ! Pour 10 euros par mois ? Je sais, c'est dingue ! C'est complètement dingue. Avec Télésat, entrez dans le monde des fans de télé grâce à l'offre la plus compétitive du marché. Profitez maintenant de l'abonnement Télésat à 10 euros par mois pendant les 10 premiers mois. Télésat, le choix malin. Infos et conditions sur télésat.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et donc la suite de l'histoire, c'était Belle Croissance, accusée de faire du prêche anti-avortement à l'époque, puisque nous cherchons nos experts en temps réel. C'est le Centre d'Action Laïque qui était venu mener une charge. Il nous manquait une voix, c'est celle de Christine Aywa, qui est la directrice de ce groupe Croissance et qui passe régulièrement dans les écoles en 2015-2016, 170 animations. Et bien voici ce que la directrice répond quand on lui reproche un point de vue donné aux élèves qui est très conservateur, très proche de l'anti-avortement. On est avant tout des bénévoles très formés, des infirmières, des pédagogues, des sexologues, d'anciens directeurs d'école. Et on est tous très motivés par cette EVRAS, donc éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et c'est grâce à la satisfaction des parents et leur encouragement dans les écoles et par les élèves eux-mêmes dans leurs évaluations que nous continuons à faire ce travail. Alors, notre but, c'est d'être à l'écoute des jeunes et à travers cette rencontre, les éveiller à la sexualité responsable, bienveillante, épanouissante. Et n'oublions pas que dans le EVRAS, la première lettre, c'est le E d'éducation. Donc, ce n'est plus que de l'information. L'éducation, c'est conduire hors d'eux, faire réfléchir. Et la plupart du temps, après nos animations, ils se sentent joyeux et rassurés, car nous abordons ces sujets avec beaucoup de délicatesse et dans le plus grand respect de leur âge et de leur maturité, et la plupart du temps en séparant les garçons des filles. Chacun apporte dans le plus grand respect ses valeurs, et les valeurs chrétiennes également sont mises sur la discussion. Toutes les paroles s'expriment donc, la directrice de Croissance a répondu. Alors, on en vient aux enseignements de ce vendredi matin. D'abord sur la question qui dérange, qui concerne Nassone, qui donne une partie de sa forêt à Péridesa. Page Facebook, Zoé Bonne. Sur la page Facebook, vous êtes 38 686. Yvan nous dit que c'est bien de laisser de la place aux animaux dans la nature. À 9h, vous avez choisi une conversation sur le pharmacien de Le Saint-Pierre qui refuse de vendre la pilule du lendemain aux jeunes femmes, Marion Jomotte. Oui, et ce matin, il y a eu Fabrice de Wavre à 10h13. Fabrice donne le droit aux pharmaciens de refuser de vendre la pilule du lendemain car il estime qu'il y a assez de systèmes d'aide qui existent pour les jeunes mamans. Quand on est dans une situation dans la vie où on rencontre un problème, on essaie de trouver une bonne solution et pas une mauvaise. Le fait d'être enceinte n'est pas un drame en soi. Bien sûr qu'elle va en faire un drame parce que c'est sa situation peut-être qui fait ça, mais il y a des organismes qui vont soit l'aider, peut-être qu'entre-temps elle aura décidé de le garder, soit il y a suffisamment de personnes qui ont envie de bébé qui ne savent pas en avoir. Pour moi, il est en faux. Il n'a pas à donner ses opinions politiques ou religieuses dans son travail. De toute façon, maintenant, les pharmaciens, ce ne sont plus des apothicaires. Ils vendent des ombres solaires, des produits de maquillage. Ça devient des commerçants comme des autres. Médicalement, il a tort. Il a tort. Oui, ça c'est une chose. Segundo, il oublie une petite chose que je pense que les autorités ecclésiastiques sont en train de prôner très régulièrement, à savoir le libre arbitre. Donc quelque part, il s'érige en juge moral par rapport à des personnes qui ne pratiquent pas nécessairement la foi que lui pratique. Je ne rentre même plus chez lui. Il a affiché ça depuis des années déjà. Il est croyant, donc il ne veut pas atteindre la vie, donc il veut protéger la vie. Et c'est pas à lui de décider de ce que une jeune fille, par exemple, pourrait subir avec un enfant non voulu. Parce que c'est votre avis qui a donc compté tout au long de la saison. Merci de nous avoir fait confiance. On se retrouve normalement dès la fin du mois d'août pour commenter tout ce qui se passe en Belgique, ici, ailleurs dans le monde, avec votre avis uniquement. Voilà pour nos deux heures de dialogue.